Et oui, vous êtes bien sur le 107 MHz, c'est-à-dire Radio Guémozo. Voilà, Guémozo, le petit ruisseau qui informe. Enfin, la radio, près du petit ruisseau qui informe et qui continuera à informer pendant un certain temps, sûrement. Alors, le programme d'aujourd'hui, eh bien, Adrien Quatennens, qui nous parle de 5 milliardaires. Ensuite, Adrien Léaumont, de la France Insoumise, qui parle à l'Assemblée Nationale. Alexandre Léaumont, encore France Insoumise, Covid, le vrai bilan de Macron. Covid, le vrai bilan de Macron. Et si la glace disparaissait, c'est un enregistrement d'une émission d'Arte. Ensuite, Areski Atsada, ils sont malheureux, quoi, hein. Discours d'Aimé Césaire. France Insoumise, Alma Dufour, laissez-moi vous mettre en garde. Gaz, pétrole, le nerf de la guerre. Ensuite, guerre en Ukraine, un tournant géopolitique, une émission d'Arte. Arte, assez souvent des émissions intéressantes, hein. Alors quand on les rate, ben, on a des chances de les retrouver sur Guémozo. Eh oui, l'avantage, hein. Alors, LCI, Adrien Quatennens, député FI, motion de censure, et puis, une petite revue de presse, si vous voulez, hein. Bon, voilà. Sembra un amabile leggiadro avviso, in pianto il viso e menzognero. La donna immobile, qual di un malvento, muda da cielo e di pensier. E di pensier. Sentesi felice a pieno, chi su quel seno non viva amore. La donna è mobile, quale un malvento, nuda da cielo e di pensier. E di pensier. Inter. Jérôme Cadet, le 6-9. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Député de la France Insoumise du Nord, membre de l'Alliance de Gauche, la NUP, à l'Assemblée Nationale. Les auditeurs de France Inter vous posent leurs questions au 01 45 24 7000 via l'application France Inter et via franceinter.fr. Courte nuit pour vous et vos collègues, Adrien Quatennens, même si vous n'avez pas achevé cette nuit l'examen du budget rectificatif pour 2022. Les débats se sont arrêtés tout de même un peu après 2h du matin. Il reste encore plus de 230 amendements à examiner et le gouvernement vous accuse de faire traîner les choses en mettant sur la table des amendements jugés hors sujet. C'est un dévoiement du débat démocratique, a dit cette nuit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors vous faites durer le plaisir, Adrien Quatennens ? Non, absolument pas. Alors un dévoiement du débat démocratique. On avait aussi, vous vous souvenez, Emmanuel Macron qui avait parlé d'un coup de chaud nocturne lorsqu'ils avaient été battus dans l'hémicycle. Non, je pense qu'au contraire, on assiste à une reparlementarisation de la vie politique. C'est-à-dire que ça se passe davantage aujourd'hui à l'Assemblée que dans le quinquennat précédent. Et ce que l'on voit, c'est que l'air d'un Parlement, chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République est révolu. Moi, je n'avais pas le souvenir d'avoir vu autant de députés dans l'hémicycle tard le soir ou dans la nuit. Donc ça montre bien que désormais c'est à l'Assemblée que ça se passe. Et puisque on nous parle d'un projet sur le pouvoir d'achat, eh bien il est normal que nous ayons des propositions à faire. Et je dois dire que pour l'instant, face à la hausse des prix, une hausse des prix qui est de l'ordre de plus de 5% aujourd'hui, qui est attendue à 7-8% peut-être à la rentrée, ça veut donc dire une fonte des revenus, des salaires et des minima sociaux d'autant, eh bien le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur. On va peut-être revenir en détail sur ce qui est proposé dans ce texte, mais on ne peut pas discuter de la question des salaires, qui est quand même une question fondamentale. Puis on a toutes sortes de mensonges, de propagande. Par exemple, quand Monsieur Macron dit « je triple la prime », pardon, mais ça a été beaucoup relayé. Non, il n'y a pas de triplement de la prime. Il y a le triplement d'un plafond. Du plafond, il y a possibilité donner une prime multipliée par 3. Pour une prime dont vous savez que quand elle était plafonnée à 1000 euros, la moyenne de ce qui a été versé, c'était 506 euros. Et puis surtout, qui concerne très peu de monde. C'est 4 millions de salariés sur 25 millions qui l'ont touché. À l'inverse, ce texte entérine la baisse du pouvoir d'achat. On pourra toujours vous rétorquer, c'est déjà ça, Adrien Quatennens. Non, mais si vous voulez, c'est la logique du texte. C'est pas simplement que c'est insuffisant. On pourrait se contenter d'une critique en disant c'est insuffisant. Par exemple, les revalorisations auxquelles M. Macron procède, je veux dire, il ne donne rien. Le RN dit c'est pas suffisant, mais on prend. Mais je pense que c'est une erreur totale. Parce que dans ce texte, vous avez aussi, par exemple, le fait de permettre d'augmenter les loyers de 3,5%. C'est-à-dire qu'en plus du carburant et tout le reste, toutes les dépenses contraintes, ça va être aussi l'augmentation des loyers. C'est une logique extrêmement dangereuse. C'est un texte qui refuse par tous les moyens de discuter de l'essentiel, la question des salaires. Les gens, les Français, ne demandent pas des primes aléatoires au bon vouloir du patron ou des petits chèques. Ils demandent des augmentations de salaire. Et je crois que le plus important, et ce que moi je voulais dire à votre micro ce matin, c'est que ce qui se voit surtout, ce que l'on observe en ce moment, c'est un décrochage puissant entre la grande masse des Français qui se serre la ceinture et une petite poignée qui profite beaucoup, y compris de cette situation. Il faut quand même le dire, pendant la période de pandémie, les milliardaires de ce pays ont accumulé 236 milliards de plus en 19 mois. C'est plus qu'en une décennie. Ça représente une augmentation de 86%. Avec ça, vous quadruplez le budget de l'hôpital public, par exemple, on est empêché de parler. Mais quand vous parlez cette nuit du problème de recrutement chez les sapeurs-pompiers, qu'est-ce que ça a à voir au fond avec le pouvoir d'achat des Français ? Mais c'est-à-dire que bon, tout cela est un peu technique, mais jusqu'au milieu de la semaine dernière, on a discuté du texte sur le pouvoir d'achat et maintenant on discute du budget rectificatif. Donc dans un budget rectificatif, tous les sujets qui ont trait au budget de l'État peuvent être abordés. Donc on peut parler de tout. Ben évidemment, et puis c'est même nécessaire, je vais vous dire. C'est bien beau de se lever dans l'hémicycle, d'applaudir les pompiers qui font face au feu, mais la question des moyens matériels, les moyens humains peuvent être abordés, en effet. Mais donc ça peut durer des semaines. Ben écoutez, ça dure le temps de la démocratie parlementaire et de sa nécessité, tout simplement. Et si Monsieur Macron et sa minorité présidentielle ne l'acceptent pas, ben c'est leur problème. Est-ce que pour vous, le budget de l'État est illimité ? Je renvoie à la remarque de Bruno Le Maire cette nuit. N'oubliez pas que le contribuable existe. Non mais alors là, pareil, il y a toutes sortes de confusions. C'est-à-dire que dans le débat, souvent il se cache, par exemple, derrière les PME et les TPE, que d'ailleurs nous défendons, qui souvent payent le plus d'impôts comparativement aux grandes entreprises, pour cacher les très gros qui ont profité à plein. Je veux dire que, par exemple, 100% des sociétés du CAC 40, 100%, ont bénéficié des aides de l'État récemment. Au total, c'est 140 milliards d'aides sans contrepartie, c'est-à-dire exactement le montant du déficit de l'État qui ont été versés, sans aucune contrepartie. Et que voit-on ? Pendant qu'on se cache derrière les PME et les TPE qui ont en effet besoin d'aide, on voit que, par exemple, la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 a augmenté de, accrochez votre ceinture, 90% en 2 ans. Est-ce que parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui peuvent prétendre avoir vu leur rémunération augmenter de 90% en 2 ans? De la même manière, Monsieur Bruno Le Maire nous dit souvent la France est championne des prélèvements, mais il pourrait dire que la France est championne du monde des dividendes versés aux actionnaires, championne d'Europe en tout cas. C'est-à-dire c'est toujours à géométrie variable. Et puis on a un ministre de l'économie qui surtout ne cesse de nous dire qu'avant de partager des richesses, il faut les produire. La vérité, c'est qu'elles sont très produites, mais extrêmement mal partagées, et que c'est précisément ce sujet-là que nous voulons évoquer. Vous savez qu'en France, 5 milliardaires, à eux 5, possèdent autant que 27 millions de Français. Tout cela n'est pas supportable, et c'est ça que nous voulons rééquilibrer. Deux questions sur l'aide au carburant et à l'énergie apportée aux Français. Cette nuit, et contre l'avis du gouvernement, les oppositions ont voté une aide de 230 millions d'euros de soutien aux foyers qui se chauffent au fioul. Est-ce que vous savez, Adrien Quatennens, qui va être aidé ? Est-ce que ce sera sous condition de ressources ? Par exemple, il y a 3,5 millions de foyers qui sont encore équipés de ce type de chaudière. Bon, il va sans dire que en tant qu'écologiste à la France Insoumise, nous ne sommes pas favorables à la subvention et à l'investissement dans ces énergies. Mais vous l'avez voté. Ben, pour une raison, c'est que l'urgence absolue, l'urgence du moment, c'est que les gens sont pris à la gorge et que des tas de ménages doivent arbitrer entre des dépenses contraintes. Par exemple, je me déporte un peu, mais sur la question du carburant, vous avez des gens qui finissent par se dire « aller travailler me coûte, en réalité, vu ce que cela coûte de faire un plein d'essence aujourd'hui ». Donc, nous avons voté cette aide parce qu'elle vient soulager des ménages en difficulté. Tous les ménages vont être aidés, tous ceux qui possèdent une chaudière au fioul. En tout cas, il faut les accompagner. Ça ne veut pas dire que ce soit une aide nécessairement pérenne. Puis par ailleurs, vous me permettez aussi de soulever une question, c'est que dans le débat parlementaire que nous avons, à chaque fois que les parlementaires amendent, ils doivent, vous savez, gager leurs dépenses. Moi, je demande à ce que le gouvernement lève les gages, parce qu'en réalité, là, c'est soit sur la politique de la ville ou d'autres choses comme ça. Ça n'est pas acceptable. Oui, il faut mettre les moyens pour soulager véritablement les Français. Les dépenses publiques. Oui, mais on peut maîtriser les dépenses publiques sans faire en sorte de prendre dans les poches de ceux qui en ont besoin, comme par exemple de la politique de la ville, voyez. Donc, c'est pas contradictoire pour vous d'engager de l'argent pour faire la transition écologique, dire aux gens, il faut changer vos chaudières, vous pouvez plus vous chauffer au fioul, c'est d'ailleurs interdit d'en installer depuis le 1er juillet, et en même temps continuer à les aider. Non, parce qu'à court terme, il faut soulager celles et ceux qui sont pris à la gorge et qui ont du mal à faire face à ces dépenses. Pour autant, la politique énergétique française doit être interrogée, le fait de trouver une forme d'indépendance énergétique et d'aller vers la sobriété pour faire en sorte que nous ne soyons plus dépendants. Sur les carburants, le gouvernement a annoncé ce week-end qu'il y avait un compromis trouvé avec les Républicains. Alors, il n'y a plus d'aide ciblée. Ça, c'était le projet initial. Il est abandonné, mais une ristourne. 30 centimes par litre en septembre et en octobre, 10 centimes en novembre et en décembre. Est-ce que c'est un bon dispositif? Je vais vous dire, c'est toujours ça de prix, mais ça n'est pas la bonne solution. Pourquoi? Réfléchissez-y un instant. Quand il y avait la fameuse aide de 18 centimes, vous vous souvenez, c'était encore il y a quelques semaines. La ristourne de 18 centimes, elle ne nous a pas empêché de voir le prix de l'essence continuer à grimper, et y compris avec la ristourne de 18 centimes, d'avoir un prix de l'essence à plus de 2 euros le litre. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait une ristourne, y compris prise en charge par l'État, ne va pas empêcher les pétroliers d'augmenter leur prix. Raison pour laquelle donc le débat de ristourne. Il faudrait... C'est mieux que rien, en effet, mais nous préférons... Ça, vous le voterez ? Nous préférons le blocage des prix. Voilà ce que nous disons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord pour que l'État garantisse la rente privée. Je vous montre juste un instant, mais faut y réfléchir. Il y a une hausse des prix. D'abord, la question qui se pose, c'est d'où vient-elle ? On nous parle beaucoup de la guerre en Ukraine. Certes, la guerre en Ukraine est un facteur aggravant, évidemment. Mais vous avez bien remarqué que la hausse des prix n'a pas attendu le début du conflit en Ukraine pour se déclarer. Il y avait déjà des hausses de prix dont beaucoup s'accordent à dire qu'elles sont essentiellement le fait de spéculation. Est-ce que le gouvernement... Et aussi au redémarrage de l'économie après la crise du Covid. Mais beaucoup de spéculation. C'est important parce que, par exemple, creuser des trous pour exploiter le pétrole aujourd'hui, la réalité matérielle derrière ces prix... Ça n'est pas plus cher. Ça coûte pas plus cher d'exploiter le pétrole aujourd'hui que ça ne le coûtait il y a un an. Donc c'est d'abord des effets de marché et de spéculation. Est-ce que le gouvernement prend des dispositions pour empêcher cette spéculation? Non, il ne le fait pas. Il garantit la rente privée. Quand nous proposons avec la nouvelle Union Populaire le blocage des prix, ça consiste à dire maintenant la foire sur les marchés, ça suffit. Et donc on met un stop, fût-il temporaire, on bloque les prix, on les régule, et c'est la rente privée qui prend à sa charge l'effort de guerre. Vous savez... Pourquoi Total a consenti cette ristourne? Parce que dans la même soirée, nous débattions d'une taxe exceptionnelle que nous proposions sur les profiteurs de crise. Une taxe à 25% sur les bénéfices exceptionnels qui nous aurait permis d'avoir 10 milliards d'euros. Donc la méthode du gouvernement de la menace, elle fonctionne? Elle fonctionne pour avoir des menaces, débat à l'Assemblée et ristourne décidée par Total. Mais ce que je vous dis surtout, c'est que la ristourne, et vous l'avez vous-même constaté avec celle de 18 centimes, la ristourne n'empêche pas les prix des carburants de monter. Le blocage des prix est la seule solution efficace pour empêcher les effets de spéculation. Et là aussi, je vous demande d'y réfléchir un instant. Pendant que les Français, parfois, doivent payer plus de 100 euros pour faire un plein, eh bien, vous avez l'entreprise Total qui vient de réaliser le bénéfice record jamais atteint de toute l'histoire industrielle. 16 milliards. Et le PDG, monsieur Pouyanné, qui l'année dernière s'est augmenté de 52%. Pareil, qui parmi celles et ceux qui nous écoutent ce matin peut dire que sa rémunération a augmenté de 52%? Enfin, profit essentiellement réalisé à l'étranger, dit le gouvernement, c'est pourquoi ils ne sont pas taxables en France. Monsieur Macron aurait pu faire quelque chose. Dans un passé récent, il y a encore quelques jours, il était président de l'Union européenne. Il aurait pu prendre une initiative coordonnée pour faire en sorte qu'à l'échelle européenne, on négocie un prix bloqué de l'énergie. Il n'a absolument rien fait. Ce que je veux dire, c'est que il y a cette inflation contre laquelle le gouvernement non seulement ne fait rien, mais pire que cela, ils ont choisi qui allait payer l'inflation. Et ce ne sont pas les profiteurs de crise qui vont payer, ce sont les Français. Le projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement est un projet de loi qui entérine la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mmh. C'est eux qui vont payer la facture, ça n'est pas supportable. Donc ce dispositif de ristourne, vous ne le votez pas, Adrien Quatennens? Mais nous proposons autre chose. D'accord, nous proposons vous le blocage pas, des prix. Vous votez pas la remise de 30 centimes en 7 ans. Mais est-ce que vous pouvez juste nous le dire simplement? Mais ça a été voté. Mais la question qui se pose, et la question qui devrait vous intéresser, c'est qui fait de l'obstruction et du blocage parlementaire? On a un ministre de l'économie qui est arrivé dans l'hémicycle en disant « je suis prêt à tous les compromis ». La vérité, regardez dans le détail, c'est que, à part des amendements rédactionnels, quasiment tous les amendements de l'opposition font l'objet d'un blocage. Le blocage, c'est eux. L'obstruction parlementaire, c'est eux. Et quand la démocratie fonctionne d'aventure et qu'ils perdent un vote, en même temps, ils disent que c'est un coup de chaud démocratique. Contre la prime enfumage, faut pas s'attendre à ce que la majorité le vote. Mais Adrien il s'agissait dans cet amendement spécifique, là pour le coup, d'alerter sur un battage médiatique qui se fait, qui relaye la propagande du gouvernement selon laquelle il y a triplement d'une prime. Beaucoup l'ont répété. Je sais pas si ça a été dit sur France Inter. Bah vous avez entendu parler le plafond de... est triplé. Eh ben oui, c'est assez clair. Eh ben on procède à une opération de salubrité du débat public, parce que sur plein de chaînes, on entend que c'est le triplement de la prime, une prime que 4 millions de Français sur 25 millions de salariés ont touché. Les gens ne veulent pas des primes et des petits chèques, ils veulent des augmentations de donc salaire. Donc vous assumez cette stratégie un peu de théâtralisation du non, débat, par pas, exemple, au travers de cet amendement? C'est pas de la théâtralisation. L'essentiel des amendements que nous portons sont des amendements de proposition. Nous respectons scrupuleusement le mandat qui nous a été confié. Nous menons la bataille sur le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, les Français doivent savoir qu'une forme d'alliance se joue à l'Assemblée contre leur portefeuille. Vous avez eu l'alliance qui va de La République En Marche jusqu'au Rassemblement National pour faire blocage à l'augmentation du SMIC. Vous avez eu la même alliance qui s'est répétée et ils ont refusé le gel des loyers. Question précisément au standard de France Inter 01 45 24 7000 de Philippe qui nous appelle de Saint-Nazaire justement sur cette question du SMIC. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bah, félicitations pour vos émissions et merci à M. Quatennens de s'exposer aux questions des auditeurs. Moi, j'ai une petite question. Je suis un petit patron à Saint-Nazaire. Je suis partisan, effectivement, de la NUP. Je me demande, avec certains de mes collègues, comment fait-on pratiquement pour appliquer les 1500 euros nets par mois, concrètement, quand on est des petites entreprises, on a 2, 3, 4 employés. Pour nous, ça nous paraît compliqué et les explications de la NUP sont pas très claires là-dessus. Adrien Quatennens vous répond. Merci Philippe. Bonjour Philippe. D'abord, votre question, elle permet de révéler la confusion à laquelle procède le gouvernement. Moi, je refuse que l'on parle des entreprises en général. Parce que je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais vous avez parlé d'une petite PME-TPE. Il est clair que votre réalité matérielle n'a strictement rien à voir avec la réalité des grands groupes dont on a parlé à l'instant et qui profitent à plein de la situation que nous avons sous les yeux. Donc, s'agissant de l'augmentation du SMIC, d'abord, je pense que on peut se retrouver sur le fait qu'aujourd'hui, avec un SMIC, on ne vit pas et qu'il n'est pas normal qu'on ne vive pas correctement son travail en France. Alors après, il y a la question de comment on peut financer des hausses de salaire, y compris quand on est une petite structure comme la vôtre qui n'a pas les reins solides comme certains grands groupes. Dans le programme de la nouvelle Union Populaire, nous avons prévu ce que l'on appelle une caisse de péréquation, de solidarité pour les cotisations sociales et patronales entre les grandes entreprises, celles qui ont véritablement les moyens qu'il faut mettre à contribution, celles qui souvent peuvent échapper à l'impôt, payent des taux d'impôt qui sont extrêmement faibles, pendant que vous payez des impôts de manière assez considérable. Eh bien, nous voulons une solidarité. Pour le reste, il est assez clair que l'augmentation du SMIC, elle va bénéficier à l'économie. Si vous augmentez les petites payes, vous allez avoir un accroissement de la consommation populaire, et souvent, ce sont des payes qu'on augmente dans des secteurs qui, en plus, ne sont pas délocalisables. Donc, on pense que ça bénéficie à toute l'économie. Nous ne supportons pas l'idée qu'il y ait une épidémie de travailleurs pauvres dans ce pays, et que quand les gens bossent, ils n'arrivent pas, non seulement à vivre correctement de leur travail, parfois renoncent à devoir partir en vacances. Bref, tout ça est inacceptable. Mais encore une fois, c'est très important de pas confondre les petites structures et les grosses. Or, le gouvernement se cache toujours derrière les généralités pour masquer la foire au profit de certains. De la même manière, c'est valable sur les contribuables. Quand Monsieur le maire, y compris hier, nous dit dans l'hémicycle « nous voulons baisser les impôts », la question, c'est pas baisser les impôts, c'est les baisser pour qui et les augmenter pour qui d'autre. Nous, par exemple, nous sommes pour que l'essentiel des ménages français soit soulagé d'un point de vue fiscal avec le système que nous proposons. On avait dit, toutes celles et ceux qui gagnent jusqu'à 4000 euros doivent payer moins d'impôts. Mais en revanche, celles et ceux qui gagnent énormément, qui accumulent des richesses, ceux-là doivent payer à la juste part et contribuer à l'effort collectif. Au-delà de 4000 euros par mois, on accumule des richesses, Adrien Quatennens. D'abord, en dessous de 4000 euros, jusqu'à 4000 euros, on devrait pouvoir payer moins. Ensuite, en effet, nous pensons qu'il doit y avoir un impôt progressif et faire en sorte que l'accumulation de richesses entre quelques mains. Tout à l'heure, je vous ai dit, les 5 députés milliardaires qui touchent plus de 4000 euros, ils accumulent des richesses. Mais en tout cas, on pourrait payer en effet plus d'impôts. Mais par contre, 4000 euros, c'est 90% des ménages. Et cela devrait être soulagé en effet. Question d'Hervé via l'application France Inter. Pouvez-vous m'expliquer, monsieur Quatennens, comment un gouvernement pourrait intervenir sur des salaires pour tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires? Très simplement par décret. Ça s'appelle l'augmentation du SMIC. Et ça, c'est une décision qui se prend par décret. On décide d'augmenter le SMIC et ensuite, ça a un effet sur les salaires qui se trouvent juste au-dessus du SMIC. Il y a un effet de contagion. Et puis surtout, il faut rapidement convoquer les conférences salariales. Vous savez que déjà aujourd'hui, par les simples revalorisations automatiques du SMIC, vous avez des branches dans lesquelles il y a des coefficients qui sont inférieurs au SMIC. Je pense que la question des salaires est la question fondamentale. Parce que précisément, nous sommes pour la priorité au travail, à l'emploi. Mais pour ça, il faut que les gens s'y retrouvent et vivent décemment de leur travail. L'Assemblée nationale a voté ce week-end la suppression de la redevance. Vous êtes opposé à ce vote. Adrien Quatennens, question de Chantal. J'étais contre la suppression de la redevance. Que proposez-vous désormais pour le financement de l'audiovisuel public? Je précise que ce qui a été décidé, c'est une ponction sur la TVA à hauteur de 3,7 milliards d'euros. Quelle proposition hier à ce micro, Olivier Marleix, le président des députés Les Républicains, proposait une taxation de la publicité sur Internet et écarter à long terme, en tout cas, le mécanisme qui va être mis en place de prélever la TVA. D'abord, rappelez une chose, c'est qu'on a besoin d'un service public de l'information qui participe de la vie démocratique de ce pays et qui soit indépendant, y compris financièrement. Et donc, la suppression de la redevance, disons les choses, c'est une disposition qui était dans le programme de M. Zemmour et de Mme Le Pen que M. Macron reprend à son compte. Nous ne sommes pas d'accord. On pourrait imaginer, en effet, que la redevance télé soit progressive et que cet impôt soit progressif. On pourrait imaginer une taxe, par exemple, comme nous l'avions proposé, sur les GAFAM pour financer le service public. Le gouvernement est passé par toutes sortes de bricolages. Pendant un temps, on a compris que la redevance, désormais, l'audiovisuel serait financé par une taxe sur le tabac. Puis finalement, on nous parle de la TVA. Et à cette heure, nous n'avons toujours pas la réponse à la question. C'est qu'on nous dit que les besoins de financement de l'audiovisuel public vont être assurés par la TVA, mais on nous dit en même temps que la TVA ne va pas augmenter. Donc la question qui se pose, c'est la fraction de TVA, les 3,7 milliards que le gouvernement prévoit de flécher maintenant vers l'audiovisuel public, à quoi cette fraction servait-elle? De quoi les Français vont-ils être amputés? Voilà, faut arrêter avec des propositions qui pour moi confine à des choses inacceptables. On a besoin d'un service public. Et donc, à moyen terme, quel financement, avec quel mécanisme? Eh ben, nous proposons, par exemple, une redevance qui soit progressive, c'est-à-dire, en effet, une taxe, mais qui soit proportionnel aux revenus, parce que sinon c'est un impôt injuste en effet. Vous saisirez le Conseil constitutionnel au sujet de la suppression de la redevance? Alexis Corbière l'avait annoncé. Clairement, en tout cas, ça n'est pas supportable de ne pas avoir de réponse précise sur la manière dont on va financer l'audiovisuel public. J'attire votre attention sur le fait qu'en plus, d'ici 3 ans, si c'est bien la TVA qui le finance, ça peut tomber, parce qu'en réalité, dans les 3 ans, les taxes doivent être strictement liées à ce qu'elles financent. La TVA n'a pas pour objet normalement de financer l'audiovisuel public. Cette proposition n'est pas acceptable et je crois qu'on peut pas faire l'économie d'avoir des réponses précises sur la question du budget et de l'indépendance du service public de l'information en France. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui pour valider ou pas le plan de la Commission européenne de réduire la consommation de gaz des Européens. Et Elisabeth Borne, la première ministre, ce matin a donné les grandes lignes de sa note pour les administrations. Pour faire des économies, il faut désormais baisser la température dans les bureaux, ne pas augmenter la clim au-delà d'une certaine température également. Est-ce que ça va dans le bon sens de prendre ces mesures maintenant, précisément sur l'énergie? Voilà, c'est pas plus de le chauffage seulement lorsque la température des bureaux est inférieure à 19 degrés et la clim s'il fait moins de 26. La sobriété va être un objectif absolument indiscutable. Il va falloir tendre vers cette sobriété. Par contre, moi j'alerte une nouvelle fois, même dans ce domaine-là, il y a un décrochage entre les gros et les petits. Vous savez que les 10% les plus riches consomment 20 fois plus d'énergie que les 10% les plus pauvres. Donc on pourra prendre toutes sortes de mesures dans les collectivités, dans les entreprises. Si pendant ce temps-là, vous avez encore la foire qui fait que certains font du tourisme spatial et consomment en 10 minutes ce que d'aucuns ne consommeront jamais en toute une vie. Bon, tout ça n'est pas acceptable, donc il faut de la régulation là aussi. Et quand on parlait tout à l'heure de l'accroissement des revenus entre quelques mains, avec de tels niveaux de richesse, vous avez nécessairement des consommations et des modes de vie qui sont anti-écologiques. Donc oui, il va falloir tendre vers la sobriété. Du reste, il va falloir aussi, maintenant urgemment, faire la bifurcation écologique, c'est-à-dire aussi la transition. On parlait tout à l'heure d'indépendance énergétique. J'attire votre attention sur le fait que, y compris des solutions qui nous sont encore vendues en France, comme le tout nucléaire, vont commencer à poser problème. Quand, par exemple, on nous dit l'énergie nucléaire n'est pas intermittente, vous avez remarqué que l'assèchement des cours d'eau où le réchauffement des cours d'eau fait qu'on a des difficultés maintenant à refroidir des centrales. Donc, ce qui n'était pas intermittent hier va le devenir de plus en plus. De la même manière, vous savez que l'uranium, la France n'en produit pas, donc on est en fait très dépendant. Et la France aujourd'hui est le pays qui est le plus en retard sur ses objectifs en matière de renouvelables. Donc, il faut mettre maintenant le paquet vers la bifurcation écologique. Il n'y a plus le temps de mégoter, y compris quand on voit les canicules et les événements extrêmes auxquels nous sommes confrontés. Adrien Quatennens, vendredi dernier, 37 députés de gauche dont vous faites partie ont signé une proposition de résolution à soumettre à l'Assemblée nationale. Le texte accuse Israël d'avoir mis en place un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Je cite, un système d'oppression et de discrimination systématique. L'apartheid, c'était le régime qui était en place en Afrique du Sud jusqu'au début des années 90. Depuis, ce texte a été critiqué notamment par votre collègue socialiste Jérôme Guedj, qui dit qu'il transpire la détestation d'Israël et aussi que ça ne doit pas être une priorité de la gauche en ce moment. Qu'est-ce que vous lui dites ? Que le texte soit imparfait et que le calendrier qui a été choisi par les députés communistes qui l'ont déposé soit discutable, c'est un fait. Pour le reste, moi je vais dire clairement ce matin à votre micro qu'il est inacceptable qu'une critique de la politique d'un gouvernement soit associé, mais j'irais même plus loin, ne serait-ce que suspecté d'antisémitisme. Voilà, ça n'est pas acceptable. Vous savez, nous sommes des militants antiracistes. Quelle que soit la religion, nous ne supportons pas que des gens soient mis en cause en raison de leur appartenance ou de leur confession. Et donc, nous ne supportons pas qu'il soit désormais impossible de critiquer une politique d'un État, d'un gouvernement plus particulièrement. C'est la politique d'un gouvernement qui est en cause, sans pouvoir être suspecté. Dire que c'est une politique d'apartheid, ça va au-delà de la critique. Mais vous savez que, M. Cadet, ce ne sont pas ni des députés communistes, ni insoumis, ni députés de la NUP qui parlent d'apartheid les premiers. Vous savez que vous avez même des ONG israéliennes qui parle d'apartheid. Vous avez Amnesty International qui parle d'apartheid. De quoi s'agit-il ? Non seulement de ce qu'il s'est produit à l'intérieur de l'État quand ils ont décidé de cette loi qui procède d'une inégalité de droits entre les Israéliens juifs et non-juifs, et puis à l'extérieur, avec, vous le savez, depuis 2020, la volonté d'officialiser l'annexion de 30% des territoires palestiniens. Mais vous n'aviez pas voté en début d'année une résolution qui condamnait la répression des Ouïghours en Chine. Est-ce qu'il n'y a pas là deux messages différents d'envoyer ? L'un, une critique d'Israël, une condamnation d'Israël, et de l'autre côté, pas de vote sur une résolution condamnant la politique de la Chine vis-à-vis des Ouïghours. Crime contre l'humanité, génocide, c'était le texte à l'époque. Mais précisément, si on parle de génocide, il faut prendre des mesures qui soient adaptées et liées à cette situation. Qu'il y ait une répression insupportable des populations ouïghours, c'est une évidence, et nous le disons aussi. Mais on ne peut pas parler de génocide sans en tirer des conclusions. Donc c'est une résolution, en quelque sorte, qui n'a servi à rien. Sur la question, vous allez soutenir une résolution qui vise une démocratie, Israël, et de l'autre, dictature, la Chine, ne votez pas attendez, la résolution. Il ne s'agit pas de mettre en cause la démocratie, etc. Ce n'est pas le sujet. Il s'agit de dire qu'il y a une solution qui existe. Elle est dans la plupart des conventions internationales. C'est la solution à deux États celle qui a été trouvée pour aller vers une résolution du conflit. Une solution à deux États. Vous comprenez bien quand je dis ça, quand nous relayons cette solution, celle des frontières d'avant 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, nous ne mettons pas en cause l'existence ni la possibilité d'existence d'un État. Faut qu'on soit très clair là-dessus. Moi, je n'accepte pas que la critique d'une répression systématique, des expulsions que l'on voit, de l'occupation de certains territoires, soit associée de quelque manière que ce soit à de l'antisémitisme. Voilà. Et quand les ONG le disent, vous devriez voir aussi qu'il y a une réalité derrière, tout simplement. Merci à vous, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, invité de France Inter ce matin. Merci Bonne journée à vous. Invité. Thank you. le nucléaire, ça marche. Bon, bah non, ça marche pas. Dans la loi, le projet de loi que nous avons voté, je vous rappelle quand même que vous nous faites rouvrir une centrale à charbon, vous-même qui nous aviez dit que si on sortait du nucléaire, ça serait le retour des centrales à charbon. Donc non, ça ne marche pas, et ça ne marchera pas davantage, puisque avec le changement climatique qui provoque un réchauffement des rivières, on a de plus en plus de problèmes à refroidir les centrales nucléaires, et vous avez d'ailleurs déjà voté des dérogations, 4 dérogations, sur ce sujet. Enfin, vous ne savez toujours pas comment gérer les déchets, qui sont un coût considérable. Vous ne faites pas entrer dans le coût du nucléaire le prix du démantèlement des centrales, pas plus que vous ne faites entrer dans le coût du nucléaire le prix du grand carénage, et j'y reviendrai dans un tout petit instant. Par ailleurs, pour des gens qui nous parlent sans arrêt de l'indépendance de la France, je rappelle que nous importons la matière première depuis notamment le Kazakhstan, qui n'est pas une démocratie exemplaire, disons, pour être sympathique. Enfin, pour le grand carénage, je rappelle que le coût est de 100 milliards d'euros et qu'avec cet argent-là, nous pourrions faire 33 à 76 parcs éoliens en mer qui, en puissance installée, seraient supérieurs à la production installée du nucléaire français. Donc franchement, au bout d'un moment, non, le nucléaire ne marche pas. Thank you. Président, ministre, collègues, ce texte propose de mettre fin au régime d'exception lié à la Covid-19. C'est un objectif louable et d'ailleurs notre présidente Mathilde Panot avait défendu une proposition de loi sur le sujet en janvier 2022 et vous l'aviez refusée. Nous nous félicitons donc que ce nouveau texte abroge les mesures les plus restrictives de liberté de l'état d'urgence, à savoir le pass sanitaire et l'enfermement à domicile du peuple par son confinement généralisé. Votre texte ne comporte qu'un seul autre point positif. Enfin, vous avez accepté l'évidence. Le pass sanitaire ne sert à rien pour empêcher la propagation du virus et seul le test permet de savoir qui est contaminé et donc qui peut contaminer les autres. Il était temps. Pour voyager désormais, seul le test sera utilisé et c'est une excellente nouvelle. Voilà pour les bonnes nouvelles. Il faut maintenant passer aux mauvaises. Vous avez donc établi que seuls les tests permettent de savoir si on peut transmettre le virus. Mais vous ne rendez toujours pas ces tests gratuits. Cela alors même que le conseil scientifique précise qu'il faut un accès gratuit au dépistage en autoprescription. Par ailleurs, votre texte ignore la volonté de l'Assemblée nationale sur un sujet. Nous avons décidé ici que les contrôles sanitaires ne pourraient pas s'appliquer aux personnes mineures. Vous avez rétabli le fait qu'ils le seront aux personnes de 12 à 18 ans. J'ajoute que ce texte aggrave le mépris contre les Outre-mer. Et pourtant, vous savez que ce point est crucial pour notre groupe et que nous n'acceptons pas qu'une différence de traitement soit faite entre nos compatriotes d'Outre-mer et ceux de l'Hexagone. Or, c'est tout l'inverse qui est fait. Qu'on en juge par le dispositif, car c'est en cas d'apparition d'un nouveau variant susceptible de constituer une menace sanitaire grave qu'il faudra présenter un test négatif pour aller des Outre-mer vers l'Hexagone. Mais dans l'autre sens, c'est en cas de risque de saturation du système de santé qu'il faudra le faire. Ce texte dit donc que nos compatriotes ultramarins peuvent être un danger pour l'Hexagone avec des variants dangereux, mais que l'inverse n'existe pas. C'est un traitement différencié entre citoyens de la République qu'on ne peut accepter et nous saisirons le Conseil constitutionnel sur ce sujet. Par ailleurs, il vous reste à apprendre que l'hôpital public est toujours en tension dans les Outre-mer, même hors Covid, par votre faute, par votre inaction. D'autre part, si la fin des dispositifs SIDEP et Contact Covid est confirmée au 31 janvier 2023, un dispositif de conservation des données est maintenu jusqu'en juin 2023. Il aurait pourtant pu être remplacé par la simple délivrance des certificats de test et de rétablissement. Et d'ailleurs, le droit européen auquel vous vous référez ne demande rien de plus. Enfin, le texte prétend ouvrir la porte à une réintégration des soignants, des personnels non vaccinés. Mais le texte laisse la main au gouvernement par décret. Et la porte ouverte a donc déjà été claquée par le ministre de la Santé qui a dit la semaine dernière qu'il n'était pas pertinent de réintégrer les personnels suspendus. Au global, ce texte n'est pas à la hauteur. C'est pourtant le premier qui sera voté en lecture définitive par notre Assemblée d'un texte présenté en urgence et franchement, on se demande bien pourquoi. Car avec ce test, vous passez à côté de la vraie urgence, celle d'un hôpital public épuisé par vos mesures libérales. Nous avons vécu, par votre faute, le crash sanitaire annoncé par Jean-Luc Mélenchon dans un meeting à Châteauroux en avril 2017. Et non seulement vous n'avez rien fait, mais vous avez aggravé les choses en fermant 17 000 lits en 5 ans, dont 5 700 pendant la pandémie. Ce texte est donc l'occasion de faire le bilan désastreux de votre politique sanitaire. Vous avez décidé en Conseil de défense des mesures qui n'ont fait qu'épuiser nos soignants par votre inaction et par votre mépris maquillé derrière des applaudissements. Mais une autre politique est possible. Voici ce qu'il faut faire. Rouvrir les lits d'hôpitaux fermés, réintégrer les personnels suspendus et demander aux soignants partis à quelles conditions ils pourraient revenir. Revaloriser de 10% le point d'indice, titulariser les contractuels, recruter les personnels administratifs nécessaires pour libérer du temps aux soignants. Et plus largement, chers collègues, installer des purificateurs d'air dans les lieux publics fermés, à commencer par les écoles pour protéger nos enfants. Rendre gratuits les masques FFP2 et les tests, faire un pôle public du médicament en nationalisant Sanofi et vous battre à l'OMC pour obtenir la levée des brevets sur les vaccins. Voilà qui aurait été une politique sanitaire efficace. C'est celle que nous avons proposée avec Jean-Luc Mélenchon dans les campagnes présidentielles et législatives. Bien sûr, nous ne l'avons pas emportée cette fois-ci. Mais les Français savent qu'avec nous, il existe un programme et un recours pour une politique sanitaire réellement efficace. Dans l'attente de sa mise en place, nous nous opposerons donc à ce texte qui ne répond pas aux urgences en matière sanitaire. La glace des pôles fond à vue d'œil. Bon, jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. Mais concrètement, quel impact cela a-t-il sur nous ? Certaines choses ne sont bonnes à déguster que lorsqu'elles sont froides, comme la crème glacée, qui ne réjouit les papilles que lorsqu'elles fondent dans la bouche. Ou encore un cocktail. Tant que les glaçons le maintiennent au frais, on le sirote avec plaisir. Mais s'ils fondent complètement, il n'en reste plus qu'une mélasse chaude et diluée. Et quoi de plus écœurant qu'une crème glacée qui a fondu au soleil ? Qui aurait envie d'avaler ces mixtures indigestes ? Les régions polaires renferment 30 millions de kilomètres cubes de glace. Elles ont le même effet refroidissant sur notre planète que les glaçons dans un cocktail. Mais cette glace ne cesse de fondre. Der Grund für dieses starke Schmelzen ist, dass wir noch nie so hohe Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Atmosphäre gemessen haben, wie wir es heute tun. Wir werden dann in eine Warmzeit laufen, die die Erde schon durchgemacht hat, aber eben unter ganz anderen Bedingungen. Da gab es noch keine Menschen. Dann würde unser Meeresspiegel um 7 Meter allein durch das Abschmelzen von Grönland und um weitere 58 Meter durch die Antarktis ansteigen. Pour résumer, il ferait donc plus chaud sur Terre et on y serait aussi plus à l'étroit. Mais sans glace, notre planète finirait-elle par être aussi insupportable qu'un cocktail chaud ou une crème glacée toute ramollie ? Avons-nous besoin des glaces polaires ? Notre planète totalement dénuée de glace ? Jusqu'à récemment, c'était tout bonnement impensable. Certes, les glaciers de haute montagne ne cessent de reculer depuis des décennies. Mais il ne s'agit là que d'une infime partie de la glace sur Terre. Les plus grands volumes de glace, les calottes glaciaires, se situent au niveau des pôles de notre planète. L'Arctique, un véritable océan sous la glace. D'énormes blocs, pouvant faire jusqu'à 5 mètres d'épaisseur, flottent à la surface de cette vaste étendue d'eau. Lorsqu'une tempête fait rage, ils peuvent s'empiler les uns sur les autres jusqu'à atteindre 25 mètres de hauteur. Température moyenne annuelle, moins 30 degrés Celsius. L'Antarctique, en revanche, est un véritable continent sous la glace. Par endroits, son altitude peut atteindre 4800 mètres. Température annuelle moyenne, moins 50 degrés Celsius. Mais qu'est-ce qui peut bien encore fondre ici ? In den letzten 40 Jahren hat das arktische Meereis um ca. 3 Millionen Quadratkilometer verloren. Das bedeutet, dass es ungefähr die Fläche 8-mal von Deutschland. Und auch der grönländische Eispanzer schmilzt und das mit ungefähr 290 Milliarden Tonnen pro Jahr. L'Antarctique n'a toutefois rien à envier à l'Arctique. Ici, la banquise ne diminue pas, mais la calotte glaciaire et les glaciers ne cessent de fondre. Eux aussi, à l'instar du Groenland, perdent des centaines de milliards de tonnes de glace par an. Mais revenons donc un peu en arrière. C'est quand même étrange que l'eau de mer gèle exclusivement au niveau des pôles et qu'il y tombe autant de neige, non ? Pourquoi précisément dans cette région du globe et pas ailleurs ? La Terre est une boule. Lorsque les rayons du Soleil atteignent la surface de notre planète, au niveau des pôles, ils sont rasants. Leur énergie est répartie sur une zone plus étendue qu'à l'équateur, où le rayonnement frappe la Terre à la perpendiculaire. Autrement dit, une grande quantité d'énergie concentrée sur une petite surface. Et comme l'axe de notre planète est incliné, chacun de ces deux pôles ne reçoit aucun rayonnement solaire pendant 4 mois de l'année. En comparaison avec le reste du globe, ils sont donc sous-approvisionnés en énergie solaire. Résultat, il y règne un froid glacial permanent. Tout porte à croire que ça va durer éternellement. Selon les chercheurs, le Soleil est censé briller encore 5 milliards d'années. La Terre, quant à elle, restera une boule et continuera de tourner. Enfin, si aucun élément extérieur ne vient l'en empêcher. Et pourtant, dans les régions polaires, la glace fond. Über die letzten 800.000 Jahre hat es einen steten Wechsel zwischen Warmzeiten und Eiszeiten gegeben. Nur über die letzten 10.000 Jahre hat sich das Klima sehr stark stabilisiert und die globale Mitteltemperatur hat gerade mal um etwa 1 Grad hin und her geschwankt. Dadurch gab es sehr verlässliche Regenzeiten, sehr verlässliche Trockenzeiten. Die Ökosysteme waren stabil und all das hat dazu geführt, dass es zum Beispiel auch sehr stabile Ernten gab. Und dadurch konnten sich eigentlich erst die heutigen Zivilisationen, wie wir sie kennen, so entwickeln, wie sie das getan haben. Nach dieser langen, stabilen Phase des Klimas haben wir jetzt eben das Anthropozän eingeläutet, also das Zeitalter des Menschen. Und durch unseren Ausstoß von Treibhausgasen, zum Beispiel durch das Verbrennen von fossilen Ressourcen, greifen wir eben sehr stark in das Klimasystem ein. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Le soleil fournit constamment de l'énergie à la Terre et réchauffe ainsi les sols et l'eau des océans. Normalement, ces derniers doivent renvoyer une partie de cette énergie, sous forme de rayonnement thermique, vers l'espace. Un phénomène permettant à notre planète de réguler en permanence sa température. Mais les nuages, et surtout les gaz à effet de serre, tels que le CO2, empêchent ce rayonnement thermique de s'échapper vers l'espace et le renvoient en direction de la Terre. Résultat, l'atmosphère se réchauffe. Mais heureusement, les régions polaires sont là. Wenn es die Selbstkühlungsmechanismen der Erde, also zum Beispiel durch die Polargebiete, wenn es die nicht gäbe, dann wäre die globale Erwärmung jetzt schon viel stärker, als wir sie zurzeit beobachten. La glace joue donc un rôle clé dans le système climatique de la Terre. Et là, vous vous dites « Ah ok, j'ai compris, la glace refroidit la planète comme les glaçons refroidissent le cocktail. » Eh bien, dans ce cas précis, ce raisonnement est faux. Comme les pôles ne reçoivent qu'une toute petite part de l'énergie solaire, les océans et l'atmosphère de ces régions polaires sont déjà glaciales. Et c'est justement ça qui entraîne la formation de neige et de glace. Le fait que la glace des pôles refroidisse la Terre est dû à tout autre chose. Der Schnee auf dem Meereis macht das Eis von oben quasi noch weißer und damit sorgt er dafür, dass ein Großteil der einfallenden Solarstrahlung zurückreflektiert wird. Um genau zu sein, bis zu 90% von dem, was ankommt, geht zurück ins All, weil wir den Schnee oben auf dem Meereis haben. Geil. Wenn der Schnee weg ist, wird die Meereisoberfläche dunkler. Das heißt, es wird nicht mehr ganz so viel Solarstrahlung zurückreflektiert, aber immerhin immer noch bis zu 70% der einfallenden Strahlung. Und dadurch, dass das Eis der Polarregionen die einfallende Solarstrahlung zurückwirft, kann diese Energie nicht dafür verwendet werden, den Ozean oder die umliegenden Landmassen zu erwärmen, sondern die Polarregionen sorgen damit auf natürliche Art und Weise dafür, dass unsere Erde nicht überhitzt und die Polarregionen kühl bleiben. La réflexion du rayonnement solaire est appelée effet d'albédo. Jusqu'ici, tout est clair. Mais ce phénomène pourrait-il un jour cesser juste parce que l'atmosphère ne s'est réchauffée que d'un degré ? À première vue, cela semble un peu exagéré. Mais malheureusement, ça ne l'est pas. Le réchauffement progressif de la planète a en effet engendré une réaction en chaîne. Une première réaction en a entraîné une deuxième, puis une troisième, comme le montre la fameuse vidéo intitulée « Le cours des choses », réalisée en 1987 par les deux artistes suisses Peter Fischli et David Weiss. Un événement en entraîne inexorablement un autre, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui se passe avec la glace en Arctique. Wenn das Meereis verschwindet, bedeutet das, dass wir immer mehr vom offenen Ozean sehen, so wie man das jetzt hier sieht. Das heißt, all die ankommende Solarstrahlung wird nicht mehr zurück ins Weltall reflektiert, sondern geht in den sich immer mehr öffnenden Ozean. Er wird also wärmer. Und diese Wärme gibt er einerseits wieder an die Atmosphäre ab, sodass die Atmosphäre auch wärmer wird. Gleichzeitig wird die Wärme aber auch genutzt, um das Meereis weiter zu schmelzen und somit wieder weitere Flächen des Ozeans freizugeben. C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. C'est une des raisons pour lesquelles la température de l'Arctique augmente 2 à 3 fois plus vite que la température moyenne de la Terre. Une eau plus chaude gèle aussi plus tard dans l'année. Cela signifie que la banquise a peu de temps pour se former. Or, une fine couche de glace aura tendance à fondre plus facilement. La vérité est manifeste. Avec moins de glace, le cocktail de l'Arctique est refroidi plus lentement. Wenn die Selbstkühlungsmechanismen der Erde nicht mehr funktionieren, dann verlassen wir sozusagen dieses sehr stabile Klima, wie wir es bisher kannten, und betreten damit Neuland im Anthropozän. Et nous avons déjà tous eu un aperçu de ce nouveau monde. En France, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, les épisodes de sécheresse se multiplient. En Californie et autour de la Méditerranée, des incendies dévastent les forêts en période estivale. Et même le Canada connaît des vagues de chaleur extrêmes avec des pics de température à plus de 50 degrés. D'autres régions de la planète subissent quant à elles de graves inondations. Des vagues de froid exceptionnelles frappent aussi des zones habituellement épargnées par la neige et le verglas. Mais quel est le rapport avec la fonte de l'Arctique ? Il y a quand même une sacrée distance qui nous sépare, non ? On n'aurait pas fait un petit raccourci ? Die Arktis ist gar nicht so weit weg, wie wir uns das vorstellen, denn wir sind global alle miteinander verbunden durch die Zirkulationssysteme in der Atmosphäre, aber auch im Ozean. Das heißt, das, was in der Arktis passiert, bleibt nicht in der Arktis. Évidemment, l'atmosphère ne connaît pas de frontières. Toutes les régions de la Terre sont interconnectées grâce au vent. Tout ce qui se passe en Arctique aurait donc un impact sur le reste de la planète via les airs ? Les vents jouent le rôle de tapis roulant. Ils transportent des masses d'air et de l'énergie. Et ce, dans un seul et même but. Toujours ramener l'atmosphère à l'équilibre. Warme Luftmassen steigen nach oben, weil sie leichter und weniger dicht sind. Darunter verschwindet die Luft, der Druck sinkt und ein Tiefdruckgebiet entsteht. Kalte Luftmassen sinken nach unten, weil sie dichter und schwerer sind. Der Druck steigt und ein Hochdruckgebiet entsteht. Diese Druck- und Temperaturunterschiede versucht die Atmosphäre ständig auszugleichen und so entstehen Winde. Les masses d'air sont ballottées entre les zones de haute pression et les zones de basse pression, et entre le chaud et le froid. Plus les différences sont grandes, plus les vents sont forts. Régie par ces lois physiques, la glace influence le climat de toute la planète. Un système de vent a ainsi un impact direct sur notre météo, car il se trouve à la frontière entre la région polaire et les latitudes moyennes. Über den Polregionen ist die Temperatur nach wie vor sehr kalt, wohingegen sie über dem Äquator sehr warm ist. Und diesen Energieunterschied versucht die Atmosphäre ständig auszugleichen. Dies führt vereinfacht gesagt dazu, dass die Luftmassen immer vom Äquator zum Pol strömen möchten. Dass sich nun aber die Erde dreht, werden diese Winde nach rechts abgelenkt und daraus entstehen in den mittleren Breiten die Westwinde. Die Westwinde treffen im Norden auf die polaren Kaltluftmassen. Dort vermischen sie sich zunächst nicht, die Temperaturunterschiede sind besonders groß und das nennen wir die Polarfront. Deshalb entsteht oberhalb der Polarfront ein besonders starkes Westwindband. C'est le fameux courant jet. Ce courant d'air emprunte une trajectoire sinueuse autour de la Terre à une vitesse comprise entre 200 et 500 km/h. Mais qu'est-ce que ce courant jet a à voir avec notre météo ? En premier lieu, il fait office de mur d'air et empêche que des masses d'air chaud et humide ne pénètrent directement dans l'Arctique. Et à l'inverse, il stoppe aussi la progression de l'air polaire vers le sud. À la frontière entre les deux, d'importantes masses d'air se rencontrent et donnent naissance à des tourbillons. C'est précisément là que se créent des zones de basse pression. C'est donc uniquement dans les latitudes moyennes que l'on assiste à des événements météorologiques. Précisément dans la zone qui abrite les plus grands greniers de notre planète. Et tenez-vous bien, c'est la forme du courant jet qui fait la pluie et le beau temps dans nos latitudes. Die Wellen des Jetstreams sind verbunden mit den Transporten und der Verteilung der Hoch- und Tiefdruckgebiete. Nehmen wir symbolisch einen Kreisel. Wenn dieser schnell dreht, dann ist er sehr stabil. Für unseren Jetstream bedeutet das, wenn die Winde schnell sind und die Temperaturunterschiede groß, dann weht er sehr geradlinig mit wenig Wellen. Wenn die Arktis wärmer wird, wird der Temperaturunterschied zum Süden geringer. Für unseren Jetstream bedeutet das, dass er anfängt zu schwächeln und seine Wellen größer und ausladender werden. Und unter Umständen bleiben sie sogar stehen. Ok, et l'amplification de ces ondulations crée de nouvelles voies de circulation, de grands tapis roulants pour les masses d'air. Le froid intense de l'Arctique peut alors se propager loin vers le sud et l'air chaud et humide circuler du sud vers le nord. Et lorsque les ondulations font du surplace, les zones de haute et de basse pression stagnent aussi. Plus cette immobilité dure, plus la situation météorologique est extrême, avec des vagues de chaleur et des pluies incessantes. Cela expliquerait-il les épisodes climatiques violents et les brusques changements de temps auxquels nous avons eu droit ces dernières années ? En février 2018, l'Arctique a en effet vécu la période la plus chaude de son histoire, avec une augmentation de 50 degrés Celsius en l'espace d'une journée, soit des températures printanières en plein hiver. À la même époque, la température en Sibérie a dépassé de 35 degrés les normales saisonnières. Et pendant ce temps-là, il neigeait à Rome. Mais les variations de température constatées n'expliquent pas à elles seules pourquoi la glace de l'Arctique fond aussi rapidement. Ce phénomène est dû à des processus de rétroaction, notamment en raison de la présence de lacs d'eau de fonte sur la banquise ou sur la calotte glaciaire. Ceux-ci augmentent non seulement en nombre, mais aussi en taille. Und das hat dann zur Folge, so wie man das hier sieht, dass die Oberfläche immer dunkler wird. Und dadurch, dass die Oberfläche dunkler wird, kann sie nicht mehr die 70% oder 80% der einfallenden Solarstrahlung zurückreflektieren, sondern nur noch 30% oder 40%. Les lacs d'eau de fonte agissent en quelque sorte comme des bouillottes sur la glace. Bon, en l'occurrence, la chaleur est assez relative. Mais là-bas, une eau plus chaude, même d'un degré, a un impact sur la glace. La réaction initiale de l'Arctique face au réchauffement de l'atmosphère a été le point de départ d'une interminable réaction en chaîne. Et l'on pourrait croire que ce cycle se répétera éternellement. Un phénomène qui se déroule sans interruption, inexorablement. Mais ce raisonnement est un peu léger et naïf, non ? Car on finira bien un jour par atteindre un point de non-retour à partir duquel tout va basculer. Ein Kipppunkt ist ein kritischer Schwellwert, zum Beispiel in der Temperatur. Wenn der erst einmal überschritten ist, kann es durch die selbstverstärkenden Mechanismen zu teils unumkehrbaren Prozessen kommen. Dann kann es beispielsweise in den Eisschilden von Grönland und Antarktis zum Abschmelzen von großen Bereichen kommen. Car le réchauffement climatique a également déclenché une réaction en chaîne en Antarktique. Bien qu'ici les températures soient beaucoup plus basses, d'énormes masses de glace manifestent d'évidents signes de fonte. Le glacier de la péninsule antarctique est peu à peu rongé par les vents chauds. Des milliers de kilomètres carrés de barrières de glace au large des côtes sont parsemés de lacs d'eau de fonte et se désagrègent en l'espace de quelques semaines. L'Est antarctique compte aussi des lacs d'eau de fonte. Jusqu'à récemment, on pensait que ce vaste glacier ne pourrait jamais fondre. Désormais, on compare sa situation à celle du Groenland. La situation est encore plus catastrophique du côté de l'ouest antarctique. Ici, la barrière de glace qui donne sur la mer, mais aussi la partie terrestre du glacier, fonde en raison des courants marins chauds. Mais attendez une minute. C'est bizarre cette histoire. Comment une couche de glace sur le continent peut-elle fondre en raison de l'eau de mer chaude ? Cela a un rapport avec la fonte des barrières de glace. Celles-ci constituent en fait le prolongement sur la mer de vastes glaciers qui les poussent continuellement vers l'océan. Une partie de ces barrières de glace surnage, tandis que l'autre est immergée. Résultat, l'eau de mer n'atteint pas la terre ferme. Et c'est tant mieux, selon les dires de ce spécialiste. Das Fatale ist, dass große Teile des westantarktischen Eisschildes, aber auch des ostantarktischen, unterhalb des Meeresspiegels liegen. Und das ist denkbar ungünstig. Wenn nun also warmes Wasser aus der Tiefe aufsteigt und an die Basis des Schelfeis gelangt, dann schmilzt es, dieses Eis. Und besonders dort, wo es eben sehr tief ist, an der Aufsetzlinie. Die Aufsetzlinie wirkt wie eine Barriere, wie eine Eisbarriere. Zieht sich diese Aufsetzlinie zurück, dann dringt der Ozean nach und füllt die dahinterliegenden Becken mit warmem Wasser. Das Schicksal des darüberliegenden Eispanzers ist damit besiegelt. Voilà comment certains glaciers de l'Ouest Antarctique fondent inexorablement. Certains chercheurs pensent que l'on a déjà atteint un point de non-retour. Une autre région de l'Antarctique pourrait à son tour être victime du dérèglement climatique, la mer de Weddell. Là-bas, d'énormes barrières de glace se trouvent au large de la côte. Mais elles aussi commencent à être rongées par l'eau chaude venue du nord. Unter den Schelfeisen befinden sich tiefe Tröge, die sich bis weit ins Landesinnere erstrecken. Wenn nun in diese Tröge warmes Wasser gelangt, dann schmilzt es das Schelfeis an der Basis. Das hat dramatische Folgen, denn ein Schelfeis wirkt wie ein Korken in der Sektflasche. Schelfeis blockiert, bremst den Fluss von Eis aus dem Landesinneren ins Meer. Wenn nun dieser Korken wegfällt, dann können ungehindert gewaltige Eismassen aus dem Landesinneren in das Meer fließen und somit zum Meeresspiegelanstieg beitragen. Les glaciers glisseraient et se désagrégeraient dans la mer jusqu'à épuisement des stocks de glace. Même les énormes et puissantes calottes glaciaires de l'Est Antarctique risquent de disparaître définitivement. Cette désagrégation ne se fera pas du jour au lendemain. Elle pourrait s'étendre sur des centaines, voire des milliers d'années. Davon dürfen wir uns nicht in die Irre führen lassen, denn der Kipppunkt, der letztendlich dazu führt, der könnte schon in den kommenden Jahrzehnten überschritten werden. Si l'on additionne les fontes de glace de l'Arctique et de l'Antarctique, la situation pourrait s'avérer plus dramatique qu'on ne le pensait. La majeure partie des calottes polaires pourrait bien finir par disparaître. Quel impact cela aurait-il sur notre climat ? Das Kippen der Eisschilde hat natürlich auch wieder Rückwirkungen auf das Klimasystem selbst. Das heißt, wenn wir große Bereiche der Eisschilde verlieren, dann bedeutet das auch, dass es eben auch wärmer auf unserem Planeten wird. Le système climatique pourrait alors devenir incontrôlable et surtout imprévisible. C'est notamment dû au fait que l'Arctique et l'Antarctique, ainsi que tous les éléments du système climatique, sont interconnectés à l'échelle mondiale via l'atmosphère, mais aussi via les courants marins. À l'instar des vents, ils assurent la distribution de l'énergie à l'ensemble de la planète. Le Gulf Stream, ou plutôt la dérive nord-atlantique, par exemple, circule du sud vers le nord. Mais près du Groenland, l'eau a tellement refroidi qu'elle en devient plus dense, coule vers les profondeurs et rebrousse chemin vers le pôle sud. Et c'est précisément ce courant marin qui pourrait déclencher à son tour une réaction en chaîne. Wenn in Grönland große Bereiche abschmelzen und das Süßwasser in den Nordatlantik eindringt, dann kann es zu einer Verlangsamung des Atlantikstroms führen. Und das wiederum hätte Konsequenzen rund um den Globus, zum Beispiel auf den Amazonas-Regenwald oder die Monsunsysteme. Es würde auch zu einer Erwärmung im südlichen Ozean kommen, wodurch wiederum die Antarktis betroffen wäre. Une nouvelle qui fait froid dans le dos. Car le franchissement du point de non-retour climatique peut déclencher des effets néfastes en cascade. Cela signifie-t-il qu'une fois la réaction en chaîne enclenchée, c'est tout le système qui finira par s'effondrer ? Durch diese Wechselwirkung kann es zu Kippkaskaden oder Dominoeffekten im Klimasystem kommen, durch die letztendlich, wie neueste Ergebnisse zeigen, einzelne Kipppunkte oder Schwellwerte sogar etwas niedriger werden im Klimasystem. En d'autres termes, même une augmentation minime de la température mondiale pourrait enclencher localement certaines bascules. Chaque dixième de degré compte. Et si deux ou trois points de basculement sont franchis en même temps, c'est tout le système climatique qui peut déraper. Notre planète pourrait-elle alors vraiment devenir invivable ? Die Extremwetterlagen, die wir momentan sehr stark beobachten, werden immer mehr zunehmen und immer häufiger werden. Und das sind, glaube ich, Konsequenzen, die können wir in ihrer vollen Gänze heute noch nicht abschätzen, aber wir kriegen schon heute trotzdem einen ersten Vorgeschmack dessen, was uns in Zukunft erwarten wird. Cela n'augure vraiment rien de bon. Et nous sommes encore loin de mesurer l'ampleur des dégâts que nous avons déjà initiés. Ich beneide die zukünftigen Generationen, beneide ich nicht. Also es ist wirklich ein Problem, was auf sie zuläuft. Und im gleichen Moment befällt mich eine Schuld. Denn im Grunde genommen ist meine Generation es gewesen, die das verursacht hat. Nous et les générations futures ne serons pas les seuls à en pâtir. Les écosystèmes de l'Arctique et de l'Antarctique seront aussi totalement bouleversés. Le réchauffement des océans a déjà fait disparaître les deux tiers des récifs coralliens au large de l'Australie. Et sur la côte ouest des États-Unis, les bancs de poissons et de crustacés meurent par milliers en raison d'une insuffisance de dioxygène due au réchauffement de l'eau. Au large des côtes turques, de gigantesques tapis d'algues se répandent à la surface de l'eau, menaçant d'étouffer toute vie sous-marine. Comme un avant-goût d'apocalypse. Wir haben noch eine Chance, wenn wir es schaffen, die globale Mitteltemperatur auf deutlich unter 2 Grad zu halten und auch langfristig auf 1,5 Grad zu begrenzen, die globale Erwärmung, dann bedeutet das, dass wir große Teile von Grönland und der Antarktis auch noch retten können. Qui aurait imaginé que la fonte des glaces des lointaines contrées polaires nous affecterait aussi directement? Et pourtant, l'Arctique et l'Antarctique nous concernent de très près. Le problème n'est pas seulement la fonte de la banquise, vitale pour que l'ours polaire puisse chasser, ni l'habitat du manchot au pôle sud qui se réduit comme peau de chagrin. La disparition de la glace, c'est l'affaire de toute la planète. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de ralentir la fonte des glaces, voire de la stopper. Mais pour cela, nous devons agir en conséquence au cours des 10 prochaines années. Sinon, il sera vraiment trop tard. Un mot sur ce que vient de raconter Axel de Tarlé sur l'énergie. Quel rôle pouvez-vous jouer, vous, les députés, pour aider à réduire cette consommation d'énergie, pour aider à cet effort de guerre, entre guillemets? Alors déjà, il faut dire que les Français font d'ores et déjà beaucoup d'efforts. Il y a 12 millions de Français qui sont en précarité énergétique dans notre pays. Et le litre de l'essence, ça ne vous a pas échappé, est déjà à plus de 2 euros par litre, avec des Français et des Françaises qui se demandent s'ils vont encore pouvoir continuer à aller travailler. Donc le premier effort qui doit être fait, il doit être fait sur les multinationales. Quand vous avez Total, qui fait un bénéfice record de 14 milliards d'euros, quand vous avez Total, dont le PDG a augmenté l'année dernière de 52% sa rémunération pour atteindre 6 millions, et quand vous avez Total qui a reversé 8 milliards de dividendes aux actionnaires, c'est quand même savoureux que ça soit eux qui nous demandent de faire des efforts. Oui, mais ça ne règle pas les problèmes de pénurie. Non, ça ne règle pas les problèmes de pénurie, mais ça permet déjà d'avoir un blocage des prix à la baisse pour les Français et les Françaises. Oui. Et ensuite, ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire qu'ils viennent de découvrir au niveau européen que nous pouvions effectivement bloquer les prix, y compris pour l'achat du pétrole, ce qui permettrait de gérer collectivement et de mutualiser les choses. Ça ne peut se faire qu'au niveau européen, qu'au niveau national, on est un peu impuissant par rapport à tout ça? Non, je pense qu'on peut faire à tous les niveaux, mais que c'est d'abord dans les décisions collectives qui sont prises que l'on doit régler les choses, et notamment on découvre peut-être maintenant que la meilleure des énergies est celle qui n'est pas produite, et donc que nous devons faire des choix collectifs. Par exemple, faut-il continuer avec des panneaux publicitaires lumineux à tout va dans nos villes? Par exemple, faut-il continuer à illuminer toutes nos villes la nuit? Eh bien, ce sont des questions qui doivent se poser, mais c'est des questions collectives et pas individuelles. Nul ne peut être privé du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Voici les mots que la patronne des députés macronistes, Aurore Berger, veut inscrire dans la Constitution pour que le droit à l'IVG y soit gravé. Elle va déposer une proposition de loi en ce sens. La NUP votera-t-elle cette proposition de loi ? Alors, on verra comment ça se passe. Aujourd'hui, nous allons déposer notre propre texte, comme nous l'avions annoncé la veille de l'annonce de Madame Berger, donc qui est un texte que la NUP, la Nouvelle Union Populaire, propose à l'ensemble des députés hors Rassemblement National. Ça veut dire la même chose à peu près. Normalement, c'est la même idée. Donc il n'y a pas sur un sujet comme ça moyen de se mettre d'accord entre les uns et les autres. Nous la proposerons, y compris aux députés macronistes. Et j'espère que les députés macronistes voudront bien co-signer notre texte, puisque c'est la proposition que nous avons faite, de faire un texte commun sur cette question-là. J'alerte sur un point. Ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé en Pologne avec deux femmes qui sont mortes l'année dernière pour des raisons d'interdiction d'avortement, peut se passer en France. Et quand vous voyez la nouvelle Assemblée nationale, avec des députés RN, comme Madame Lavalette, qui a signé un texte pour interdire l'IVG, comme Madame Caroline Parmentier, qui parle de génocide lorsqu'elle parle de l'avortement, eh bien oui, il y a une alerte à inscrire ce droit. L'avortement est en danger en France? Le droit à l'avortement est en danger en France? Oui. Parce que hier, François Bayrou disait, est-ce que c'est bien utile en ce moment? Personne ne veut vraiment s'y attaquer. Eh bien justement, je prouve le contraire avec un nombre de députés, je peux vous les citer tous, qui disent les pires choses sur la question de l'IVG. Rappelez-vous, y compris Madame Le Pen qui voulait interdire les IVG de confort. Donc je crois que oui, il est temps, et nous le disons depuis au moins 10 ans, d'inscrire l'IVG dans la Constitution afin de garantir ce droit. Écoutez, si les macronistes sont trop sectaires pour faire avec nous le texte, évidemment nous voterons le nôtre parce que la cause est plus importante. Vous voterez le leur, vous voulez dire? Oui, évidemment, nous voterons le leur parce que la cause est trop importante pour passer sur des jeux politiciens. Mais j'espère que justement, ils n'auront pas ce sectarisme et qu'ils pourront co-signer celui que nous déposerons aujourd'hui. La Première ministre a ma confiance pour mener l'action du gouvernement dans la durée, a donc dit Emmanuel Macron ce week-end. Cette clarification est-elle la bienvenue? Iriez-vous jusqu'à dire que vous vous en réjouissez, Mathilde Panot? Ah non, non, non, nous ne demandons pas à Emmanuel Macron s'il a confiance en sa Première ministre ou non. Emmanuel Macron a une tendance à tordre finalement les institutions de notre République. Madame Borne doit aller demander la confiance devant l'Assemblée nationale. C'est comme cela que ça se passe. Après son discours de politique générale, donc la semaine prochaine probablement, vous souhaitez qu'elle demande la confiance. Exactement, nous continuons à demander qu'elle demande la confiance, comme dans toutes les démocraties, et n'en déplaise à Emmanuel. Tout le monde ne l'a pas fait, hein. Tout le monde ne l'a pas fait. Enfin, dans la plupart des démocraties, vous admettrez que... Pierre Bérégovoy l'a pas fait, Édith Cresson l'a pas fait, Michel Rocard l'a pas fait, trois premiers ministres de gauche à l'époque. Eh bien, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup, et je crois que ce qui s'est passé avec les élections législatives, n'en déplaise à Monsieur Macron, c'est que justement, il n'est plus le seul à décider, mais que maintenant, l'Assemblée nationale n'est plus sa chambre d'enregistrement, ni son paillasson, et qu'il doit donc faire avec une Assemblée nationale qui est forte. Si la Première ministre ne pose pas la question de confiance, est-ce que vous déposerez une motion de censure? Nous nous réservons le droit, si elle ne le demande pas, de déposer une motion de censure. Quitte à faire tomber le gouvernement? Quitte à faire tomber le gouvernement. C'est pas un peu tôt pour quelqu'un qui n'a pas gouverné du tout encore? Mais vous comprenez qu'il y a un problème démocratique. On fait comme si les élections législatives n'avaient pas existé. Les élections législatives ont existé. Un mois et demi après que M. Emmanuel Macron a été réélu comme président, la majorité des Français ont décidé d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés qui ne sont pas d'accord avec le projet politique que porte M. Emmanuel Macron. Donc nous faisons notre rôle de député. Nous avons été élus pour porter un tout autre monde que celui que porte M. Emmanuel Macron, et notamment celui de porter un monde avec une augmentation des salaires, avec un blocage des prix à la baisse, une garantie d'autonomie pour les jeunes, avec la fin des pesticides. Bref, exactement le contraire de ce que porte Emmanuel Macron depuis maintenant 5 ans. Alors, il a quand même un groupe qui est majoritaire, mais il n'a pas la majorité absolue à lui tout seul. Et il a chargé sa première ministre de discuter avec les forces politiques de gouvernement. C'est-à-dire, en clair, tout le monde, sauf le Rassemblement national et sauf vous, la France insoumise. Pas la NUP, mais la France insoumise. Eh bien, je réponds à M. Emmanuel Macron que oui, nous sommes une force de gouvernement. Oui, nous aspirons toujours à gouverner. Nous avons d'ailleurs fait un accord avec la Nouvelle Union Populaire qui comporte un programme de 650 mesures que nous sommes prêts à appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Juste pour qu'on clarifie, ça veut dire que LFI n'a pas le droit de discuter, mais que le PS et les socialistes vont aller discuter avec Elisabeth Borne, que les écologistes vont aller discuter avec Elisabeth Borne? Non. Les communistes vont aller discuter avec les Allemands. On verra ce qu'on fait avec la nouvelle Union populaire, mais nous avons fait un intergroupe. Nous sommes dotés d'un intergroupe pour travailler en commun. La semaine dernière, tout le monde est d'accord pour dire que nous sommes en opposition avec le gouvernement d'Elisabeth Borne. Fabien Roussel, hier, a dit on peut discuter. Qui s'exprime en son nom propre parce que ce n'est pas la position. Bah, il est le chef du Parti communiste. Ce n'est pas la position du groupe parlementaire communiste à l'Assemblée nationale. Donc, vous verrez. Nous allons être une force coordonnée qui aspirons à gouverner. Et Emmanuel Macron dit, dit que nous ne sommes pas... Ça veut dire que vous demandez ce matin aux autres membres de la NUP de ne pas aller discuter avec Elisabeth Borne si vous n'avez pas le droit d'y aller ? Non, ils peuvent aller discuter comme ils veulent. Mais nous savons très bien qu'ils sont en train d'essayer de nous diviser. Ils essayent de nous diviser, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons rester unis sur cette question-là. Nous avons ce socle commun programmatique et nous n'avons pas fait... C'est ce que nous ne cessons de répéter. Nous n'avons pas fait un accord électoral. La nouvelle Union populaire va perdurer. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de créer. Et si M. Emmanuel Macron pense que nous ne sommes pas un parti de gouvernement, non, nous ne sommes pas un parti de son gouvernement, c'est-à-dire déterminé à continuer la maltraitance sociale et écologique comme lui le fait. Puisqu'il considère que vous n'êtes pas dans l'arc républicain comme il dit et que vous, vous considérez que vous l'êtes, est-ce que vous demandez à être reçu par la Première ministre ? Écoutez, j'ai eu un appel téléphonique avec la Première ministre la semaine dernière. Oui, je considère que nous pourrions être reçus par la Première ministre. Après, je vais vous dire, de quoi va-t-elle parler avec les forces politiques ? De savoir s'ils veulent faire un gouvernement d'action, comme ils sont en train de le dire. La réponse est connue pour la France insoumise, et d'ailleurs pour les autres forces de la NUP. Cette réponse, c'est que non, nous ne gouvernerons pas avec des gens qui aucune portent... Aucune force de la NUP. Mais non, avec des gens qui portent la retraite à 65 ans, avec des gens qui portent le RSA contre 15 à 20 heures de travail gratuit par semaine. Nous ne voulons pas de ce monde-là et nous sommes prêts à construire l'alternative au leur. Mathilde Panot, la secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou, est l'objet d'une enquête alors que 3 plaintes pour viol ont été déposées contre elle. Doit-elle quitter le gouvernement ? Oui, je crois que c'est ce que nous avons demandé pour chacun des membres du gouvernement lorsqu'il y a une enquête. Le temps que l'enquête détermine si oui ou non. Mais est-ce qu'une accusation suffit ? Bah, je crois que lorsqu'il y a plusieurs accusations, ça amène à penser qu'en tout cas la personne doit se mettre en retrait. Je pense que c'est une manière républicaine de faire. C'est pas dangereux, parce que si en sortant de là quelqu'un vous accuse de viol, vous démissionnerez de votre poste de député ? S'il y a des plaintes, oui. S'il y a des plaintes ? Oui, bien sûr. Je pense que, mais oui, c'est important parce que si vous voulez, vous avez une certaine exemplarité à avoir au niveau notamment du gouvernement. Mais la présomption d'innocence, Mathilde Panot. Mais la présomption d'innocence existe. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Ça veut dire que le temps que la justice rende son travail, eh bien, vous pouvez vous mettre en retrait de la vie politique et ensuite la justice détermine si vous êtes coupable ou non. Ce n'est ni à vous ni à nous de le faire. On n'est pas arrivé à un stade où accusation vaut culpabilité aujourd'hui dans la société. Non, je ne crois pas. Non. Je crois que nous sommes dans une société dans laquelle pendant très longtemps, la parole des femmes notamment n'a pas été entendue. Nous sommes dans une société dans laquelle le patriarcat a encore une voix très forte sur la manière dont nous organisons la société. Donc je crois que le fait qu'on croit maintenant les personnes qui se plaignent est une bonne chose pour le pays. Vous avez vu la réaction de la présidente de la commission, du Comité national des gynécologues et obstétriciens français. Ils ont signé une tribune hier dans le journal des dimanches, tout en nuance, mais aussi en inquiétude. Je les cite. Si les médecins et les sages-femmes, de crainte de se voir traités de violeurs sur les réseaux sociaux et d'être poursuivis en justice pour viol, renoncent à examiner les femmes, ce sont celles-ci qui en paieront les conséquences. Il ne s'agissait pas de défendre la ministre, en l'occurrence. Hein, il s'agit d'un sujet. Non, mais je comprends. Mais la question des violences obstétricales n'a pas été posé clairement et de manière sérieuse dans notre pays. Et donc je crois que c'est aussi une manière de faire en sorte que nous pensions cette question-là dont beaucoup de femmes sont victimes dans notre pays. Merci Mathilde Panot d'être venue le matin. Merci à vous. La rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux. Mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé son haut, la tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux. Aimé Césaire, vous considérez-vous comme un poète africain ou comme un poète français? Et si j'étais tout bêtement un poète antillais? Après tout, c'est cela, les Antilles. Les Antilles, c'est l'Afrique plus la France. Par exemple, quand j'ai été à Saint-Louis, du Sénégal, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais aux Antilles parce que je retrouvais là précisément la double composante, la composante France et puis la composante Afrique. Durant les années qui précédèrent la dernière guerre avec Senghor notamment, vous avez lancé le mouvement de la négritude. Que faut-il entendre par négritude? Oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire et qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir et sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Fanon, lui, doutait que l'évocation de contrées lointaines, nègres, puisse améliorer ici le sort des enfants, des ouvriers. De contrées lointaines? Non, elles ne sont pas si lointaines. Il s'agit de renouer et avec les traditions, de les actualiser. Il s'agit de resituer l'homme noir dans l'histoire. Et dès que l'on définit ainsi la négritude, on s'aperçoit que cela peut peser sur la réalité. Après tout, c'est l'histoire qui fait la conscience, mais dialectiquement, la conscience pèse aussi sur l'histoire. Et la négritude, dans la mesure où elle pèse sur la conscience et essaye de forger à l'homme noir une condition nouvelle, a une influence très certaine sur l'histoire de tous les jours, sur l'histoire moderne de l'homme noir. Mais est-ce que l'évocation de l'Afrique signifie le rejet de l'Occident? Certainement pas. Si j'avais à définir la négritude, à l'analyser plus exactement, je dirais que la négritude, c'est bien sûr un effort pour essayer de défendre et d'illustrer le génie africain, mais aussi une composante à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, c'est que ce mouvement de la négritude a pris naissance au contact de l'humanisme européen. On peut dire que l'humanisme européen est un des éléments de la négritude. Mais vous-même, vous sentez-vous plus proche d'un poète nigérien, par exemple, que d'un poète français comme Breton? Oui, c'est une question un petit peu délicate, mais je répondrai très facilement en disant ceci. Après tout, je collabore à une revue et qui s'appelle, et je milite au sein d'une revue et qui s'appelle Présence africaine, et je n'écris pas dans les lettres françaises. Par conséquent, ça signifie que je me sens véritablement à ma place dans ce milieu d'intellectuels noirs qui appartiennent à la revue Présence africaine. Par conséquent, bien sûr, tous les hommes sont prêts de tous les hommes, mais enfin, je me sens parfaitement à ma place dans la revue Présence africaine où il y a côte à côte, collaborant ensemble, des hommes qui sont des Antillais, des hommes qui sont des Sénégalais, et qui sont des Guinéens et même et des hommes appartenant à l'Afrique anglophone. Ne pensez-vous pas que par rapport aux générations montante des écrivains noirs, vous-même et Senghor ne paraissiez trop occidentalisés. Il est vraisemblable que nous appartenons à une génération de transition. C'est tout à fait vraisemblable. Mais enfin, ça ne nous effraie pas. D'abord, c'est parce que c'est la condition même de l'homme que d'être dépassé. Nous souhaitons fort être dépassés. Et nous-mêmes, nous avons préparé ce dépassement. Mais ça signifie simplement que nous sommes situés dans l'histoire, à notre place, à notre juste place, à une place qui ne dépend pas de nous, ainsi vont les choses. Mais nous considérons que le message que nous aurons délivré, quelles que soient les péripéties ultérieures, ce message gardera sa valeur et sa raison d'être. Dans certaines de vos œuvres, vous avez marqué un retour au folklore antillais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas poussé l'expérience jusqu'au bout et écrit en créole ? Vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas du tout créolisant. Pas du tout créolisant pour plusieurs raisons. Et c'est que peut-être j'ai très fort le sentiment de l'infirmité de cette langue qui s'appelle le créole, qui me paraît vraiment une petite langue régionale, d'une portée extrêmement limitée, non pas du tout que je la méprise, mais enfin pour en faire un instrument valable, il aurait fallu faire sur cette langue un effort aussi prodigieux que celui que les gens de la Pléiade ou les hommes du XVIe siècle ont fait sous le français et pour en faire un instrument valable et utilisable. Est-ce que vraiment en 1962 cela en vaut la peine? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr et je vois que même en Haïti le problème se pose et pourtant Haïti a une population plus considérable que la nôtre. Les intellectuels haïtiens ont été confrontés par un problème assez douloureux. Devaient-ils écrire en français? Devaient-ils écrire en créole? Et je ne sache pas que la majorité ait écrit et choisi le créole. Le créole, parce que c'est une langue, encore une fois, d'une influence extrêmement limitée, choisir le créole, c'est un peu se couper du reste du monde. Monsieur le Président, où avez-vous personnellement puisé les sources d'inspiration de votre poésie? Y a-t-il chez vous une inspiration purement africaine? Je crois que la moitié de mes poèmes ont été inspirés, je ne dis pas seulement par le Sénégal, mais par deux cantons où j'ai passé mon enfance, le canton de Fimela et le canton de Joal. J'ai donc puisé l'essentiel de mes thèmes poétiques dans mon enfance et dans mon terroir. Quels sont les thèmes de cette inspiration? Les thèmes de cette inspiration sont la terre africaine, le lignage, les morts, la vie des paysans, les contes, les légendes, les mythes, c'est-à-dire les valeurs culturelles de la négritude. La poésie africaine est une poésie de tradition ou bien s'écrit-elle? La poésie négro-africaine traditionnelle est essentiellement une poésie orale, bien qu'il y ait au Sénégal des textes écrits, singulièrement chez les Peuls et chez les Wolofs islamisés. Mais il faut distinguer dans la poésie orale, la poésie populaire, les poèmes que les non-professionnels peuvent composer et chanter, par exemple les poèmes de lutte, les poèmes de travail. C'était il y a très très très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Jibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Au milieu du ciel, il y avait la Terre qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Gibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les gibis. Voici un gibi vu de près. En voici un autre. Et quand il y avait trop de gibis d'un côté, la planète penchait, les gibis glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les gibis. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadoks de deux sortes. Des Shadoks avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète et des Shadoks avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Comme la planète Shadok changeait de forme, il y avait des Shadoks qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Shadoks. Les Shadoks et les gibis en eurent donc assez au bout d'un certain temps de vivre sur des planètes qui ne marchaient pas bien. Alors ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Terre qui avait l'air de mieux marcher. Madame la Présidente, chers collègues, donc pour rebondir sur ce qui a été dit par mon collègue, je voulais rappeler, par rapport à Monsieur le ministre Bruno Le Maire, ce qu'il vient de dire sur l'imposition en France, Total, lui, n'a payé 0 € d'impôt sur les sociétés cette année, d'accord ? Nous ne demandons pas d'augmenter les impôts sur toutes les entreprises, mais seuls sur les secteurs qui ont profité de la crise, le secteur énergétique notamment, mais aussi celui du fret maritime. Si CMA-CGM a réalisé 17 milliards de bénéfices cette année, c'est parce qu'elle a passé les conteneurs de fret maritime de 2 000 € à 18 000 €. Comment voulez-vous que cette inflation ne se contamine pas au reste de l'économie après coup? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que le conteneur de fret maritime est passé de 2 000 € à 18 000 €. La taxe exceptionnelle que nous proposons pourrait rapporter 20 € par mois aux Français. Si vous acceptiez de bloquer les prix, on pourrait leur rendre 48 € par mois aux Français. Le coup de pouce que vous allez apporter aux Français, celui de Total, ce sera que 12 € par mois aux Français. Mesdames et messieurs, ne vendez pas votre courage politique pour 12 € par mois. Ne nous dites pas qu'on ne peut rien faire. Ne nous dites pas qu'on ne peut rien faire. Tous les pays européens sont en train de mettre en place cette taxe. Comment vous pouvez assumer que l'on ne le fasse pas? Laissez-moi vous mettre en garde. Laissez-moi vous mettre en garde. N'avez-vous rien appris des gilets jaunes? N'avez-vous rien appris des gilets jaunes? Si la représentation nationale se met à genoux devant les spéculateurs, les Français refuseront de se mettre à genoux. Ils viendront dans la rue réclamer la justice que vous n'êtes pas capable de donner ici dans l'hémicycle. Ravie de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. On commence cette émission à Saint-Pétersbourg avec l'immense Lacta Center qui abrite Gazprom. Voici le siège du plus grand producteur mondial de gaz, numéro 3 du secteur des énergies, un secteur clé de l'économie russe, des dizaines de milliers de kilomètres de tuyaux à travers le monde. Gazprom, entreprise publique sous tutelle du Kremlin, est un rouage essentiel de la stratégie de puissance de Vladimir Poutine. Mais depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Gazprom est carrément devenu une arme de guerre. Fournisseur incontournable de gaz pour l'Union européenne avant le conflit, Gazprom a par exemple appelé le 26 avril 2022 les dirigeants de Pologne et de Bulgarie pour les informer qu'à compter du lendemain, ils ne recevraient plus une seule goutte de gaz russe. Inversement, de nombreux pays se sont rapidement organisés pour sortir de leur dépendance aux hydrocarbures russes et pour ne plus contribuer à financer la guerre de Poutine. On l'aura compris, la géopolitique du gaz et du pétrole ne sera plus jamais la même après l'invasion de l'Ukraine. Voyons pourquoi avec nos cartes. Les réserves de pétrole prouvées s'élèvent à 1732 milliards de barils fin 2020. Elles sont très inégalement réparties, les 10 pays les mieux dotés concentrant 86% des réserves mondiales. Une situation équivalente pour le gaz, avec une répartition géographique sensiblement différente. Les 10 premiers pays concentrent 81% des réserves. Vous remarquerez la concentration des ressources au Moyen-Orient qui totalise 48% des réserves mondiales de pétrole et 40% des réserves de gaz. Si l'on regarde maintenant la production effective, le classement est un peu différent et certains pays exploitent plus fortement leurs réserves que d'autres. Les trois principaux producteurs de pétrole sont les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Ils totalisent 40% de la production. Pour le gaz, la concentration de la production est encore plus importante. 40% de la production est entre les mains des États-Unis et de la Russie. Une concentration de l'offre aux mains d'une poignée d'acteurs très puissants. Le cas des États-Unis est intéressant, car en l'espace de 10 ans, les Américains ont plus que doublé leur production de pétrole, couvrant la quasi-totalité de leur consommation, ce qui leur a permis de réduire leur dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient, et quasiment doublé également leur production de gaz, qui dépasse désormais leur consommation. Cette prouesse est due à la mise en exploitation des énormes réserves du pays en pétrole et gaz de schiste. Cette exploitation a été rendue possible grâce à l'essor de la fracturation hydraulique, une technique désastreuse sur le plan écologique qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour le pays à l'avenir. La production est donc concentrée entre un nombre réduit d'acteurs. Voyons maintenant du côté des consommateurs. La région la plus consommatrice de pétrole est l'Asie-Pacifique, notamment à cause de la Chine, premier consommateur de pétrole au monde avec 16% de la consommation mondiale. Viennent ensuite l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et Centrale, la CEI, qui regroupe 10 des 15 anciennes républiques soviétiques, et l'Afrique. Pour ce qui est du gaz, on trouve en tête du classement des principaux consommateurs l'Amérique du Nord, suivi de l'Asie-Pacifique, qui devance largement le Moyen-Orient et l'Europe, suivi de près par la CEI, puis loin derrière, l'Afrique et l'Amérique du Sud et Centrale. Alors évidemment, ces ressources doivent être acheminées des pays producteurs vers les pays consommateurs, ce qui pose bien sûr la question du contrôle de ces voies d'acheminement, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le transport du pétrole s'effectue à 60% par voie maritime, 40% par voie terrestre, oléoduc, route, voie ferrée. Compte tenu de l'importante concentration de la production au Moyen-Orient et de la consommation en Asie-Pacifique, certaines routes maritimes sont très encombrées et vulnérables. Le moindre problème dans le détroit d'Ormuz, où transite 21% du brut, comme ce fut le cas en 2019, peut avoir d'importantes répercussions. Le transport du gaz suit des routes semblables, maritimes et terrestres. Mais le transport par bateau du gaz, environ 40%, pose un problème supplémentaire. Car le gaz doit être liquéfié à moins 162 degrés avant d'embarquer, puis d'être regazéifié une fois arrivé à bon port. Cette opération nécessite des infrastructures très coûteuses dont tous les pays ne disposent pas. Le transport par gazoduc est donc prépondérant. Une particularité qui explique pourquoi les Européens ont privilégié si longtemps le gaz russe, créant cette dépendance dont ils tentent aujourd'hui de sortir sur fond de guerre en Ukraine. Voyons cela en détail. Le gaz représente un quart du mix énergétique de l'Union européenne, le pétrole un tiers, et c'est la Russie qui est le premier fournisseur de ces deux ressources. Au premier semestre 2021, 41% du gaz et 41% du pétrole consommés dans l'Union provenaient des gisements russes. Cet appétit européen pour le gaz russe ne date pas d'hier et a largement nourri le contentieux russo-ukrainien. Car depuis la période soviétique, le gaz russe à destination de l'Europe transite par les réseaux de gazoducs Northern Lights qui traversent la Biélorussie et le réseau Brotherhood qui traverse l'Ukraine. Mais avec le démantèlement de l'URSS, Kiev a profité de sa nouvelle indépendance en 1991 pour faire payer la traversée de son territoire à Moscou. Pour contourner l'Ukraine, le gouvernement russe a donc multiplié les projets de gazoduc avec le Yamal en 2006 à travers la Biélorussie et la Pologne, le Nord Stream en 2012 qui passe par la mer Baltique, le Turkish Stream en 2020 qui passe par la mer Noire. Autant de contournements qui ont fait chuter la part des livraisons russes qui transitaient par l'Ukraine vers l'Europe de 60 à 25% entre 2009 et 2021, un manque à gagner considérable pour Kiev. À ces trois gazoducs s'est ajouté le Nord Stream 2, dans lequel l'Allemagne a massivement investi et qui devait lui permettre de doubler sa capacité de livraison. Un investissement motivé car 65% du gaz consommé par les Allemands vient de Russie, le gaz représentant 27% de son mix énergétique. Bien que mis en pré-service en octobre 2021, le projet Nord Stream 2 a été suspendu par Berlin le 22 février 2022, une décision politique coûteuse pour le successeur d'Angela Merkel, Olaf Scholz. La Hongrie, la Roumanie et l'Italie sont également aujourd'hui dans une situation préoccupante car elles aussi sont très dépendantes du gaz russe. Mais d'autres pays s'en tirent mieux, comme la Finlande, dont le gaz ne représente que 6% de son mix énergétique, alors qu'elle importe 75% de son gaz de Russie. La dépendance au pétrole russe des pays de l'Union européenne est également contrastée. Là encore, l'Allemagne se montre très dépendante. Le pétrole représente 33% dans son mix et elle en importe environ 35% de Russie. La Hongrie, la Roumanie, la Pologne et la Lituanie sont également dans une situation délicate. Grâce au nucléaire, la France, elle, s'en sort mieux, 27% seulement de pétrole, avec 15% environ provenant de Russie. On comprend bien, avec toutes ces disparités, que s'accorder sur une politique commune de boycott des hydrocarbures russes soit compliqué. Alors voyons maintenant quelles pistes ont les Européens pour diversifier leurs sources d'approvisionnement, en commençant par le gaz. Une première alternative consisterait à augmenter les livraisons de la Norvège, deuxième fournisseur de l'Union. Mais les gazoducs actuels sont déjà saturés et les champs exploités proches de leur niveau maximal. Un nouveau gazoduc, le Baltic Pipe, reliant la Pologne, sera mis en service le 1er octobre 2022 et sera exploité à son maximum à partir de janvier 2023. L'Algérie, troisième fournisseur actuel de l'Union, pourrait-elle aussi augmenter ses livraisons via le gazoduc Transmed vers l'Italie et le Maghreb Europe qui relie l'Espagne à travers le Maroc, le Medgaz étant déjà à saturation. Mais les différends entre l'Algérie et le Maroc bloquent actuellement l'utilisation de Maghreb Europe et le réseau de gazoducs espagnol est peu connecté au reste de l'Europe. Autre source possible, le gaz du gisement de Shah Deniz en Azerbaïdjan via le corridor gazier sud-européen. Actuellement de 10 milliards de mètres cubes par an, sa capacité pourrait être portée à 20 milliards, une quantité qui reste faible comparée aux 155 milliards de mètres cubes russes importés par l'Union européenne en 2021. La seconde alternative est d'importer du gaz par bateau, le fameux GNL qui signifie gaz naturel liquéfié. Une alternative pour laquelle la Lituanie, dépendante à 80% de la Russie à la fin des années 2000, a opté dès 2015 en installant un terminal méthanier dans le port de Klaipeda. Vilnius a ainsi réduit ses importations de gaz russe à 40% dès 2021 grâce à ses importations de GNL norvégiens et américains et a décidé suite à l'invasion de l'Ukraine de suspendre ses importations de gaz russe au 1er avril 2022. Le problème, c'est que les trois premiers exportateurs mondiaux de GNL, l'Australie, le Qatar et les États-Unis, produisent déjà à hauteur de leur capacité. Pour augmenter les exportations, il faudra donc construire de nouveaux terminaux méthaniers pour liquéfier le gaz et surtout pour le regazéifier quand il arrive en Europe, car l'Union européenne est sous-équipée avec seulement 26 terminaux. Du côté du pétrole, l'Europe envisage de se tourner vers ses autres fournisseurs habituels, notamment les États-Unis et les pays du Moyen-Orient, qui ont la capacité d'augmenter leur production. Le Brésil et le Venezuela pourraient également produire plus. Et si l'embargo contre l'Iran était levé, la République islamique pourrait-elle aussi offrir une alternative à l'Europe? Mais tout cela aura bien sûr des répercussions sur les prix et sur le trafic maritime, renforçant encore les risques de congestion du détroit d'Ormuz et la durée d'acheminement du brut vers nos côtes. On l'aura compris, après la guerre en Ukraine, la géopolitique des énergies aura profondément changé et de nouvelles alternatives au gaz et au pétrole russe auront été mises en place, avec plus ou moins de difficultés selon les pays. Il est aussi à souhaiter de nouveaux mix énergétiques qui feraient la part belle aux énergies renouvelables. En attendant, Moscou espère compenser la perte de ses clients européens en se tournant vers l'Est, vers la Chine notamment, dont l'appétit en hydrocarbures ne cesse de grandir. Bref, un grand chamboule-tout à prévoir sur le marché mondial des hydrocarbures. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt. d'ailleurs pour cueillir des fleurs sur nos boulevards. Ils viendront, puis ils reviendront, puis ils s'en iront un peu plus tard. Ils viendront chassés par le temps, poussés par le vent du désespoir. Ils viendront comme des épouvantails, planter leurs médailles sur le champ de bataille. Ils viendront, voici la main de l'on n'a pas changé de prénom. Ils viendront d'ici ou d'ailleurs pour cueillir des fleurs dans nos plumards. Ils viendront pour la belle Hélène et les chrysanthèmes sous son peignoir. Ils viendront repleurir nos tombes au carrefour du monde et de l'histoire. Ils viendront fêter nos funérailles, vendre leurs médailles sur le champ de bataille et rebaptiser nos madelons. Tout n'est qu'à faire le vrai nom. Quand ils auront marié nos filles, fondé nos familles sur leurs espoirs, qu'ils auront de briques et de tuiles, rebâti nos villes et nos boulevards, qu'ils auront changé l'horizon, c'est nous qui reviendrons un peu plus tard. Et nous échangerons nos médailles, on fera un bail sur le champ de bataille. Dans les bois, me donc faire danser la madelon. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes, le sommet de l'OTAN qui s'achève ce jeudi à Madrid, acte que les 30 pays membres soutiendront l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire face, je cite, à la cruauté de la Russie, annonce une augmentation des effectifs militaires de l'Alliance et l'adhésion à venir de la Suède et de la Finlande. Ce jeudi, c'est aussi la fin de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, marquée par l'ouverture des candidatures de l'Ukraine et de la Moldavie et le réarmement stratégique des Européens. On l'aura compris, le retour de la guerre en Europe marque un tournant et on va en revivre les étapes clés. Sortons nos cartes. Début 2022, la Russie amasse toujours plus de troupes à la frontière ukrainienne. Dans la nuit du 23 au 24 février, Vladimir Poutine viole les frontières de l'Ukraine. Les principaux assauts terrestres sont menés contre Kiev, notamment depuis la Biélorussie, Kharkiv, la deuxième ville du pays, Mariupol, port stratégique du Donbass, et dans le sud, depuis la Crimée. En parallèle, la Russie mène des attaques aériennes et navales. Ainsi, Lviv et Odessa sont également touchés dans les premiers jours. 2 mars, un vote est organisé à l'ONU pour condamner l'invasion et exiger que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Résolution approuvée à 141 voix, 35 pays s'abstiennent, 5 votent contre. Début avril, face à la résistance de l'armée ukrainienne, largement soutenue en armes et en matériel par un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis, la Russie s'enlise sur plusieurs fronts. Elle se redéploie finalement pour concentrer ses efforts sur le Donbass. En se retirant, elle laisse derrière elle des preuves de massacre des populations civiles, notamment à Boutcha, dans la banlieue de Kiev. L'Ukraine, un pays que plus de 5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont dû quitter, tandis que 30% des infrastructures de transport sont aujourd'hui détruites, sans oublier les milliers de morts et de blessés. En parallèle, la Russie est frappée de nombreuses sanctions commerciales. Ainsi, le 30 mai, l'Union européenne impose un embargo sur le pétrole russe acheminé par la mer. Les effets dominos de cette guerre sont multiples, pétrole, gaz, mais aussi céréales bloquées par la Russie dans les ports de la mer Noire. En parallèle, la guerre des récits bat son plein entre pays soutenant le combat des Ukrainiens et ceux qui regardent vers d'autres modèles ou d'autres régions du monde. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini, à bientôt. Tous les crayons que l'on vend à Paris écrivait des chansons comme Monsieur Lully. Et si toutes les plumes avaient vers les nos becs, et chacun sa chacune, on ne vivrait plus qu'avec la fortune. ville, quelques thunes, deux bouquets, trois chansons et la lune. Si tu rêves, ta vie brève passera comme passent les rêves. La fortune, quelques thunes, et de quoi s'en aller dans la lune. Si tout passe, si tout casse, si tout lasse, passe, passe. Si tous les vauriens qui ne valent rien à Paris ne valaient qu'un refrain de Villon ou de qui. Et si toutes les épines avaient la rose avec les copains, sa copine, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelques thunes, de salut, trois au revoir et la lune. Si tu chantes, ta vie lente filera comme file une étoile filante. La fortune, quelques thunes, et de quoi faire briller cette lune. Cette lune où s'allume et consume l'infortune. Effet sur l'économie. Vous êtes avec nous en direct, Adrien Quatennens. Vous représentez évidemment la NUP et les filles. On a entendu, on a lu plutôt ces propos de Gabriel Attal. Qu'est-ce que ça annonce selon vous? Est-ce que c'est l'annonce des temps austères? Bonsoir. Moi d'abord, pour savoir comment va un pays, pour reprendre la phrase qui vient d'être dite, je regarde comment va sa population. Et aujourd'hui, ce que nous voyons nous inquiète durement. On voit une grande masse de la population de ce pays qui s'appauvrit, des pauvres toujours plus pauvres et toujours plus nombreux. C'est 400 000 personnes de plus qui sont tombées sous le seuil de pauvreté dans le quinquennat précédent. Et on a sous les yeux cette inflation, cette hausse des prix. On nous parle de 7% potentiellement attendu au mois de septembre. Faut dire ce qu'est l'inflation. La hausse des prix, en quelque sorte, elle vient rogner les salaires, elle vient rogner les revenus. Et la grande question, c'est de savoir qui paye cette inflation. Est-ce que c'est la vie des gens qui est la variable d'ajustement, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui? Des gens qui sont contraints, forcés de faire des arbitrages entre des déplacements contraints ou parfois quelques loisirs payés à leurs enfants, où la vie devient strictement impossible, même pour celles et ceux qui sont dans l'emploi? Ou est-ce qu'à l'inverse, on assume de dire que dans le même temps, il y a des profiteurs de crise et que tout cela a trop duré? Et donc, mais pardon, gouvernement... Adrien Quatennens, est-ce que vous admettez que l'État ne peut plus, la France ne peut plus se payer un deuxième, quoi qu'il en coûte? Quand on voit les chiffres de l'endettement en France, effectivement, c'est fini. Ce n'est pas un fusil à deux coups. Je crois vraiment qu'il faut arrêter de faire peur avec la question de la dette. Vous savez, on en a parlé mille fois. La Banque Centrale Européenne pourrait tout à fait, elle le fait déjà, racheter des titres de dette aux États et les mettre de côté dans une caisse de péréquation qui permettrait de faire en sorte d'annuler les choses de manière très tranquille. Ce qu'on a besoin d'abord et avant tout, entendez-moi, c'est de répondre aux besoins de la population. On a des services hospitaliers qui sont en train de crouler. On a des gens qui s'appauvrissent. C'est ça qui doit nous inquiéter d'abord et avant tout. Des services publics qui sont à l'os. Et dans le même temps, je l'ai dit, des profiteurs de crise. C'est pas tout le monde qui subit les effets de la hausse des prix. La hausse des prix, elle est largement le fait de spéculation. Et vous le savez, certains en profitent. Vous avez des aides prévues par le gouvernement qui sont tout à fait provisoires et dérisoires, pendant que de l'autre côté, avec la nouvelle Union populaire, ce que nous proposons, c'est de bloquer les prix, donc de faire assumer la charge sur la rente privée et d'augmenter décemment, dignement et de manière conséquente les revenus des gens, les salaires, les pensions de retraite, les minima sociaux. Il y a urgence à soulager les gens. D'ailleurs, on ne fera pas relancer l'activité économique sans permettre de relancer cette consommation populaire. Et il n'est pas tolérable, j'en termine là-dessus si vous me permettez, que dans cette période où une grande partie des Français souffrent, vous avez 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de Français, les milliardaires de ce pays qui ont multiplié par 3 leur fortune dans le quinquennat précédent, parce que quand il s'agit de faire des cadeaux aux plus riches ou aux très grandes entreprises, M. Macron ne fait pas des aides dérisoires et provisoires. Là, c'est du très conséquent. Et voyez-vous, aujourd'hui, ce sont des gens extrêmement divers, pas que des insoumis qui le disent. Vous avez noté, par exemple, récemment, Michel-Édouard Leclerc, pas le premier des insoumis, qui dit que les hausses de prix sont largement le fait de spéculation. J'ai noté aussi M. Artus, conseiller économique de Natixis. C'est pas un insoumis non plus, celui-là, qui dit clairement que la politique qui a consisté à faire des cadeaux sans contrepartie aux plus aisés, c'était la théorie du ruissellement, eh bien tout ça ne marche pas, donc il faut en changer. Adrien Quatennens, demain la motion de censure contre ce gouvernement, vous allez vous compter. Qu'est-ce que vous espérez de cela? Parce que renverser le gouvernement, ça semble mathématiquement strictement impossible. Est-ce que ça ne va être pas finalement une opération perdante où on va dire, voilà, ce sera un coup de gueule, mais sans lendemain? Non, vous savez, les coups de gueule sans lendemain ne nous intéressent pas franchement. Non, ce ne sera pas mathématiquement une opération perdante a priori, parce que dans les rangs des oppositions, il y a largement de quoi la voter, cette motion de censure. Je veux d'ailleurs vous dire vous que dans le texte que nous avons déposé... Du Rassemblement National avec... vote avec vous? Moi, ce que je dis en tout cas, laissez-moi vous le dire et laissez-moi... Voilà, vous ne répondez pas à la question, pardon. C'est que dans le texte... Vous voulez que je m'arrête ou je vous réponds par oui ou par non? Laissez-moi vous répondre. Donc je vais vous dire, écoutez-moi, nous avons déposé un texte qui n'est pas un texte programmatique, qui n'est pas un texte qui tord le bras de quiconque voudrait la voter, quiconque, vous m'avez entendu. C'est un texte qui se concentre uniquement sur la catastrophe démocratique qui se joue sous vos yeux et qui n'a pas l'air d'ailleurs de beaucoup étonner. On a là en présence un gouvernement battu aux élections législatives, une première ministre qui a remis sa démission, dit-elle, de courtoisie il y a 15 jours, qui vient devant l'Assemblée donner une feuille de route qui est strictement celle d'Emmanuel Macron, qui n'a pas varié d'un iota sur son programme, et qui s'exonère du vote de confiance. Alors la motion de censure, elle est uniquement concentrée sur cela. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un gouvernement de fait, un gouvernement fait du prince, qui ne tient et rend compte à personne? Voilà uniquement ce sur quoi se consacre et se concentre la motion de censure que nous avons déposée. Et je vous le dis, il n'y a rien dans ce texte qui empêcherait les parlementaires de droite, voire même du Rassemblement national, de la voter. Comme nous n'avons pas eu droit à un vote de confiance à l'Assemblée qui permet aux députés de se positionner, vous le savez, vous votez pour la confiance, vous êtes dans la majorité, en soutien du gouvernement, vous votez contre la confiance, vous êtes dans l'opposition. Ce vote n'a pas pu avoir lieu, c'est inédit. Ça fait 30 ans que ça n'était pas arrivé, et encore à l'époque, il y a 30 ans, ils avaient gagné les élections législatives, là ils les ont perdues. Et bien donc, le vote de demain permettra à chacun de se positionner. Qui sont les vrais opposants dans cette Assemblée? Qui sont ceux qui, au contraire, veulent ménager Emmanuel Macron, qui prévoit de faire la retraite à 65 ans, ou parce que vous l'avez dit, Gabriel Attal l'a signifié, 80 milliards d'économies, parce que les 3% de déficit, c'est ça, c'est 80 milliards d'économies. Que va-t-on pouvoir faire avec 80 milliards d'économies à chercher? Combien de lits à l'hôpital supplémentaires vont-ils faire, par exemple? Vous avez très clairement exprimé la position. Merci beaucoup de la NUP demain. Rendez-vous demain, on suivra évidemment les... Une seconde. Vas-y. Comme ça, ils en auront du Jésus. Là, attention, c'est parti. Hein? Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie d'une ombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanche et très belle statue de la douce Immaculée Conception, je sentis la foi naître, et au fond de mon être, du Seigneur Jésus-Christ, j'ai la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence bras de Jésus. Revue de presse, une petite revue de presse. Amazon, mercredi 5 mai 2021, Vosges Matin, Internet. Amazon, 44 milliards de ventes, mais zéro impôt. Une structure d'Amazon basée au Luxembourg parvient à ne pas payer d'impôts en affichant un déficit malgré 44 milliards d'euros de ventes en France, en Allemagne, en Espagne, point de suspension, une pratique bien connue mais menacée par la montée au créneau de Joe Biden. Ah. Abstention, les raisons du naufrage démocratique. Bon. Il n'y a pas besoin d'autres commentaires, hein. Le titre à lui-même se suffit. Abstention, les raisons du naufrage démocratique. Pourquoi les Français n'ont-ils pas confiance à l'industrie pharmaceutique? C'est un peu pour ça. Le scandale du Lancet. Le scandale du Remdesivir. Le scandale du Tamiflu. Le scandale du Levothyrox. Le scandale du Distilben, le scandale de l'hormone de croissance, le scandale du chlordécone, le scandale du sang contaminé, le scandale de l'isoméride, le scandale du Mediator, le scandale de la Dépakine, le scandale des vaccins H1N1, le scandale du Vioxx, le scandale du Diane 35, le scandale du Thalidomide, le scandale de la Cerivastatine. Eh oui, et puis c'est partout, c'est pas fini. Adrien Quatennens, Total Energy vient de réaliser 17,7 milliards de profits au premier semestre 2022 et on apprend que le groupe n'a pas payé d'impôts en France en 2020 et en 2021. Eh oui, la ristourne c'est seulement 500 millions d'euros. Vite, une taxe sur les profiteurs de crise, dit Adrien Quatennens. C'est pas moi qui l'ajoute, c'est lui. Maire seul, 40% au chômage. Voilà. Maire seul, 40% au chômage. Quel beau pays la France. Vain Dieu, quel beau pays. Mon, que c'est beau la France. Quand je serai vieux, j'irai habiter en France. Oh oui, tellement c'est un beau pays. Dans le monde, quand un enfant meurt de faim, il meurt assassiné. Signé Jean Ziegler. Dans le monde, quand un enfant meurt de faim, il meurt assassiné. Arrêter Trump n'est qu'une solution à court terme. La solution à long terme, qui est beaucoup plus difficile, c'est de réparer le système d'éducation qui a créé tant de personnes assez ignorantes pour voter Trump, signé Andy Borowitz. Alors, si on reprend le truc, c'est de réparer le système d'éducation qui a créé tant de personnes assez ignorantes pour voter Macron. Hein? Oui? Bon, on change juste un nom. La théorie du ruissellement est une fraude. Donner des diminutions d'impôts aux riches entreprises ne crée pas d'emplois. Cela rend simplement les riches plus riches en augmentant la dette publique et l'inégalité des richesses. Nous avons besoin de politiques économiques qui profitent à la classe ouvrière et non pas à la classe des millionnaires. Alors qui a dit ça? Est-ce que c'est Karl Marx? Est-ce que c'est... Ben non, c'est Bernie Sanders. Ah oui. Il habitait aux USA, lui. Il s'est présenté aux élections présidentielles contre Trump et etc. Ben oui. Les Américains, ils n'ont pas voté pour lui. Allez. Comme quoi, ben oui. La bêtise. Il n'y a pas qu'en France, hein, qu'il y a des électeurs qui sont cons. La seule chose exacte dans un journal, c'est la date. Oh, qui a dit ça? Croire que la vraie motivation d'un attentat puisse être religieuse, c'est comme croire que la vraie motivation des médias est de vous informer. Alors c'est signé Coluche, 1944-1986. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime. Il n'est pas victime, il est complice, signé George Orwell. Que peut-on faire pour lutter contre la pensée unique et le politiquement correct? Alors l'autre y répond, éteindre sa télé et lire des livres. Le chômage, c'est l'autoroute du fascisme. Vous êtes responsable, en majuscule responsable. Gare à vous. Le drapeau bleu, blanc, rouge. Révolution. Les réactionnaires de 2015 auraient-ils été républicains en 1789 ? 2015, 2022, hein ? Quel changement depuis ? Oh, les choses se sont aggravées, c'est tout. Auraient-ils été républicains en 1789 ? Bonapartistes, royalistes, pétainistes, fascistes, franquistes, point d'interrogation. Auraient-ils suivi Hitler, Franco, Pétain, Mussolini, Bokassa, Pinochet ? Auraient-ils été résistants ? Ou collabo, point d'interrogation, se serait-il engagé dans la résistance, la milice, la Waffen-SS? Le passé est plein de leçons pour le présent et surtout pour l'avenir. Prudence. Deux choses m'étonnent. L'intelligence des bêtes et la bestialité des hommes. Signé Tristan Bernard. Zulfikar Najib. Le seul grand remplacement, c'est celui des fonctionnaires par des contractuels, des médecins par des déserts médicaux, des salaires par des dividendes, des manifestants par des mutilés, des étudiants par des files d'attente à la soupe populaire. Merci à nos gouvernants, hein? Faudra qu'on leur dise merci un jour comme ils le méritent. Ah oui, de la façon la plus sévère possible. Alors, Épinal, Vosges Matin, 17 mars 2022. Trafic de stupes, les dealers sous les verrous. Alors, il y en a un qui a ajouté à la marge, « In Franz, sich bitte schön. » Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Signé André Gide. Le gouvernement confie la distribution des professions de foi des candidats à la présidentielle 2022 à un cabinet de conseil, ce qui est déjà hallucinant en soi. Comme si les fonctionnaires ne savaient pas mettre sous pli, envoyer par courrier et organiser ça comme cela a été fait pendant des années. La société de conseil en question est Sémaphore, appartenant au groupe Alpha. Mais qui dirige ce groupe ? C'est un certain Pierre Ferracci, membre de la commission Attali, un ortenir, en 2007. Marc Ferracci, son fils, est un intime d'Emmanuel Macron et était son témoin de mariage. Hein? Ah oui, vous voyez comme le monde est, il est petit, hein, quand on s'approche du sommet. Sa femme a été la chef de cabinet du fondateur d'En Marche, Macron, et lui, conseiller spécial de la ministre du Travail Pénicaud. Oh, oh, quel beau monde. Ah oui, oh là là. Ce qu'a inventé la poudre. McKinsey, une enquête ouverte sur le volet fiscal. Le parquet national financier a décidé d'ouvrir une enquête après le rapport du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés, sur les politiques publiques et les accusations d'optimisation fiscale visant McKinsey. Et McKinsey, un en retenir aussi. Oui. Parce qu'un jour, il va falloir, comme dit Juliette Gréco, la rue des Blancs-Manteaux. Eh oui. Vous l'entendez assez souvent sur cette antenne, cette chanson-là. Hein, elle est courte. La rue des Blancs-Manteaux. Finance, ces onéreux recours de l'État au cabinet de conseil. Le Sénat accuse McKinsey d'optimisation fiscale. Le gouvernement a sollicité le cabinet McKinsey aussi bien sur la réforme du mode de calcul des aides personnalisées au logement pour un montant total de 3,88 millions d'euros. Hein? Ah oui, ça coûte cher les cabinets conseil. Hein, oui, un conseil, ne vous adressez pas à eux parce que vous seriez ruiné. Que dans le cadre, enfin on est ruiné de toute façon en tant que contribuable, que dans le cadre de la campagne vaccinale contre le Covid-19, 12,33 millions. Le Sénat va plus loin et accuse les entités françaises du cabinet McKinsey d'optimisation fiscale. Elle n'aurait pas versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020, selon la commission d'enquête sur l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Voilà, c'est des gens bien tout ça, eh oui, et c'est nous qu'on les engraisse. Eh oui, on les engraisse. Eh oui. Oh ben peut-être qu'un jour ils crèveront dans la graisse. Et voilà, ça sera la justice. La justice divine sera intervenue. La Bresse, des dizaines de candidats jouent le jeu du job dating pour intégrer l'entreprise Les Ailes. Alors job, what is it? Dating. Comprends pas. C'est pas du patois de la Bresse. Hein. Je connais un petit peu le patois de la Bresse. Non, job dating, c'est pas du Bressot. Au moins 14 écoliers tués dans une atroce fusillade au Texas. Bon. Pourtant, les États-Unis, c'est un pays extrêmement civilisé. Oh oui, la civilisation, c'est eux qui l'ont inventée. Hein, oui, et qui la maintiennent en vie, et qui l'améliorent. L'espèce humaine s'améliore aux États-Unis. Le ministère des Armées aurait signé un gros contrat avec 16 cabinets de conseil. Bon, on s'en tiendra au titre, hein. Oh oui, l'humanité court à la catastrophe climatique. Catastrophe climatique, alerte l'ONU. Et c'était le 6-6-2022. Hein? Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Hein? On a eu le temps de se préparer. Les États ont fait le nécessaire, les particuliers ont fait ce qu'ils pouvaient. Et ben voilà. Soupçonné de travail dissimulé, la congrégation catholique devant les juges. À Dorémy la Pucelle, sur le banc des prévenus, la congrégation famille missionnaire Donum Mei, Dei, Donum Dei, pas Mei, Dei, devait répondre de travail dissimulé. Pendant plusieurs années, des dizaines de travailleuses missionnaires de l'Immaculée ont officié au restaurant de l'organisation à Dorémy la Pucelle sans avoir été payées ni déclarées. Ah bon, il n'y a pas de syndicat à Dorémy? Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie. Son bilan de député 2017-2022 contre la suppression de l'avantage fiscal des avions des lignes intérieures, contre le maintien des petites lignes ferroviaires, abstention sur la réautorisation des néonicotinoïdes, mais aussi abstente pour interdire le glyphosate, les perturbateurs endocriniens dans les cantines scolaires, certains vols intérieurs, l'épandage des pesticides près des habitations, absente pour indemniser les victimes des pesticides. 602 députés sur 655 dans le classement parlementaire.fr. Hein? Voilà, des gens qui travaillent bien, les députés. Hein? Oh, et les sénateurs. Mon, qu'est-ce qu'ils sont utiles. S'ils étaient trois fois moins nombreux les uns et les autres, ben ça nous coûterait trois fois moins cher. Eh oui. Et ça serait tout aussi efficace. Peut-être plus même. Qui sait? Eh oui. La pesanteur étant l'inertie. C'est avec le salaire qu'on remplit le frigo. Des hausses de salaire par des primes, c'est la revendication lancée par Frédéric Souillot aux députés débattant du pouvoir d'achat. Coquerel. LFI, la France insoumise, contre l'évasion fiscale. Le président insoumis de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, habilité à regarder les documents des impôts, entend utiliser cette prérogative contre l'évasion fiscale. Eh oui, bravo Eric. Les députés vosgiens se prononcent en faveur de la loi sur le pouvoir d'achat. Alors je vous donne pas les noms, hein, puisque les vosgiens, ils votent à droite, toujours. Ils votent toujours à droite, les vosgiens. Oh, ils sont fidèles à leur maître. Oh, le maître, il peut les battre, il peut leur... Oh, eh ben, il continue à aller chercher la pitance, la récompense. Céréales ukrainiennes, un accord signé avec la Russie. Ah bon, c'était le 23 juillet 2022. Est-ce que ça a eu de l'effet? C'est pas sûr, parce que... Bon, Donald Trump, l'improbable procès. Ouais. Alors, tiens, la bourse. La bourse, il y a aussi la bourse. Ouais. Et pourtant, la bourse, je n'oublie pas tout. L'action qu'il y a à noter, si vous voulez acheter des actions, eh bien, achetez Dassault Aviation. 141,30 euros, c'est-à-dire 48,74% de plus qu'il y a un an. Eh oui, la vente des armes, ça rapporte. Ça rapporte à ceux qui les vendent, pas à ceux qui reçoivent les munitions. Ce n'est pas Macron qui annonce le retour des beaux jours. L'échec de sa politique libérale ne freine pas le pouvoir. Il le conduit simplement à masquer ses décisions. Voilà, alors ça c'est un extrait du journal des retraités. Hein ? Eh oui. Des élèves de BTS dénoncent des examens injustes et partiaux. Bon, vous croyez ça ou ? Hein ? Oh, des examens injustes et partiaux. Ah non, pas en France. Ah non. À partir de ce jeudi, l'humanité vit à crédit. En 20 ans, le jour de dépassement a avancé de 2 mois. Pour l'ONG WWF, l'augmentation de notre empreinte écologique agricole est directement liée à l'extension des élevages intensifs et notre surconsommation en protéines animales. Alors, à côté, épidémie de Covid-19, la pandémie a commencé sur le marché de Wuhan. Voilà. Hein, ben ça, nous l'avait déjà dit il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Hein. Ouais. Ben Salman, reçu à l'Élysée. Eh oui, vous ne me croyez pas, mais c'est écrit dans le journal. Du vendredi 29 juillet 2022, Ben Salman reçu à l'Élysée. Et le titre, c'est « Diplomatie ». Une visite controversée. Oh, controversée par qui? Pourquoi? Jeudi soir, Emmanuel Macron a reçu le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Il s'agit de la première visite en Europe de ce dernier depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Un dîner qui provoque la colère des défenseurs des droits de l'homme. Un dîner qui provoque la colère des défenseurs des droits de l'homme.